je pense que c'est assez frappant, effectivement. Il y a un désintérêt pour ce qui se passe après, parce que de toute façon, le Graal est parti du royaume de l'ogre. C'est ça, en fait, le cœur du récit, c'est que il y a trois chevaliers élus, la quête du Graal va être accomplie, mais pas pour le bénéfice du royaume de l'ogre. Mm. Le soin va être fait parce que ça doit être fait, le soin du roi blessé, du roi Méhénier, l'accomplissement est fait parce qu'il doit être fait, mais ça n'est pas pour le bénéfice du royaume de l'ogre. Le Graal va partir, ils ont échoué, le Graal était là pour justement soutenir le royaume de l'ogre, et le royaume de l'ogre a échoué. Donc finalement, c'est extrêmement pessimiste. Mm. On n'est pas du tout dans une optique où la quête est accomplie. Si vous posiez la question de comment on pouvait accomplir la quête du Graal et ensuite il se passe encore des choses mauvaises, c'est finalement, même si ce récit n'est pas tant imbriqué que ça avec le reste du Lancelot Graal, là, surtout avec sa fin, il n'y a pas de suite directe, mais ça explique pourquoi on peut passer d'une quête si réussie à quelque chose d'aussi noir après. Mmh. La fin du temps aventureux n'est pas exclusivement une bonne chose. Les aventures et les miracles de la cour qui se passent autour de la cour du roi Arthur n'étaient pas simplement là pour affliger la Bretagne, c'était aussi l'occasion de prouver la valeur des chevaliers de Bretagne. Et ce temps aventureux qui se termine, ce n'est pas seulement positif, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'occasion pour les chevaliers de Bretagne de se repentir. Mmh. Ils ne pourront plus accéder à ça. J'aimerais tellement bien faire. Des fois, je voudrais tomber sur le Graal, là, comme ça. Le ramasser sur la tronche en sortant d'ici, tac, sur le coin du melon. Mort et ressuscité pour le salut des hommes. Je me demande bien qui c'était, ce Jésus. Oh, un signe de Dieu. Mais non, Jamy, c'est moi. Les autres, ils seraient dégoûtés de la vie. Ils se diraient, ouais, c'est dégueulasse. C'est l'autre con qui ramasse les honneurs. Et moi, je m'en fous des honneurs. Rien à péter. It's time for the Jedi. To end. Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 16, La Quest del Saint Graal. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Et aujourd'hui, la quête continue. Nous allons continuer justement notre parcours du Lancelot Graal avec un deuxième volume beaucoup moins impressionnant. Là, c'est-à-dire qu'on va parler de la Quest del Saint Graal, la quête du Saint Graal, qui fait à peu près un huitième, ça dépend des versions, mais un huitième du Lancelot qu'on a vu la dernière fois. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu moins compliqué, sa structure est un peu moins difficile. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui passe son temps à nous expliquer ce qui vient de se passer. Oui, tu avais fait une comparaison une fois sur Twitter de la quête avec le C'est pas sorcier, l'émission. Oui. T'as vraiment une aventure qui se passe et tout de suite après, on t'explique, un ermite vient expliquer à la Jamy, justement, avec limite une maquette et une présentation PowerPoint à quel berceau biblique l'aventure qui vient de se passer fait référence. Ce qui est ça qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment subtil en fait, c'est vraiment même une aventure tout à fait standard qui aurait été simplement deux demoiselles et un truc qui aurait eu un symbolisme particulier. Il y a un ermite qui vient expliquer à quel point c'est du symbolisme, même si ces personnages sont censés avoir une vie autonome. Voilà. Mais selon le narratif lui-même, selon l'histoire lui-même, ils ont parfois semblent avoir été conjurés de toutes pièces pour expliquer un point biblique. Alors par moments c'est littéralement Satan incarné, donc du coup là oui, c'est assez clair. Ça, c'est ça. Par moments on se demande quand même à quel point, comment c'est pratique tous ces gens élevés et qui vivent juste pour expliquer à Gauvin, Bort et Perceval à quel point tel ou tel verset biblique est important. C'est un peu, disons, parfois c'est assez simple, on a un château qui est menacé par 7 méchants chevaliers et puis il y a des pucelles qui sont enfermées dedans et on vous dit... En réalité, les 7 chevaliers représentaient les 7 péchés capitaux, et puis les 7 femmes, les pucelles qui étaient enfermées étaient des âmes. Mais les métaphores se marchent très vite sur les pieds. Par exemple, plus tard, en fait, Gauvin et compagnie seront réprimandés parce qu'ils ont tué ces 7 chevaliers. Et puis on se dit, mais attendez, si c'était les 7 péchés capitaux, est-ce que les tuer, c'est vraiment un problème? Et du coup, on se marche un peu sur les pieds parce qu'il y a une sénéfiance, une signification. Mais ça reste des êtres de chair et de sang qui ont quand même, comme tu dis, une vie autonome. Et du coup, ça crée certaines ambiguïtés. Et ça marche plus ou moins bien. C'est quelque chose qu'on a aussi vu dans le Père Lesvos. Le Père Lesvos était beaucoup plus maladroit. On se rappelle cette scène où un chevalier tuait sa femme et on lui disait « Ah, oh, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça représentait le meurtre de la vieille loi. » On se disait « Mais c'est horrible, en fait. La scène était absolument pas justifiée. » la quête d'El Saint Graal est peut-être un peu plus habile, et puis il y a certaines de ces interprétations symboliques qui ont l'air un petit peu plus naturelles, on va dire. Oui, c'est sans doute plus logique et plus simple, et le fait que l'explication jusqu'au verset biblique particulier, la citation, la référence sont parfois tellement évidentes que ça devait venir assez naturellement en fait aux gens qui lisaient ça. C'est presque plus une confirmation. Je pense que pour des gens qui ont une culture biblique plus importante que celle que l'ont les lecteurs moyens de la... C'est pas pour dire que les lecteurs de la matière de botanique aujourd'hui sont des incultes, mais simplement, on va beaucoup moins baigner dans cette atmosphère biblique, à moins d'avoir une éducation catholique très forte et d'avoir vraiment d'aller chaque semaine à la messe, de connaître la Bible assez sur le bout des doigts. Quand un oiseau noir dit qu'il est quand même beau, c'est pas forcément évident que ça fait référence au Cantique des Cantiques. Oui. Sauf si vous connaissez le vers « Je suis noir, mais je suis belle ». Et en l'occurrence, ça se réfère à l'Église, ce qui doit être assez intéressant, parce que est-ce que ça a une référence à un dominicain, en fait ? Je me suis posé la question à un moment. Mais l'interprétation est sans doute plus évidente si on connaît bien la Bible, donc c'était peut-être un peu moins cryptique et explicatif pour des gens qui avaient cette culture-là. C'était beaucoup plus, sans doute, rassurant quelque part. C'était vraiment oui, vous avez bien compris la métaphore. Il y a un côté très catéchiste. Et c'est là que peut-être on est entré sans vraiment d'introduction, hein, puisqu'on assume on va assumer que vous avez écouté notre épisode sur Lancelot, pauvres âmes que vous êtes. On vous renvoie vraiment à cet épisode introductif parce que c'est là qu'on vous explique un peu la structure du Lancelot Graal. À quel point, pour résumer, hein, on a d'abord le Lancelot, qui est ce gros roman toujours grandissant, qui est suivi par cette quête d'El Saint Graal, puis par une morte d'Arthur, qui va raconter la mort du roi Arthur, ou la mort le roi Arthur, enfin, ça dépend du titre que vous lui donnez, qui va raconter vraiment la chute du royaume arthurien et réconcilier toute cette histoire avec celle des chroniques de Geoffrey et des brutes de Larmon et de Wasse. Mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas nécessairement une œuvre effectivement absolument cohérente et faite par le même auteur. Il y a plusieurs théories, évidemment. On vous renvoie encore une fois à cet épisode-là où on les explicite. Mais vous pouvez vous en rendre compte assez facilement quand vous voyez la différence tonale en fait entre cette quête d'El Saint Graal et le Lancelot qui la précède et la mort d'Arthur qui la suit en fait. Ouais, je peux peut-être justement, je pense que ça se révélera de façon un peu plus évidente si je fais un petit résumé des épisodes précédents et que je présente globalement la trame de la quest. La dernière fois, on avait vu que la dernière partie du Lancelot, en fait, elle a probablement été rédigée plus tard, après que la quest ait été faite, justement pour le rattacher. On a déjà des préludes de cette quest, c'est-à-dire qu'on voit Galad enfant alors qu'il est élevé, c'est-à-dire que c'est le fils que Lancelot a eu, bien malgré lui, avec la fille du roi Pélès. Qui est le roi pêcheur qui occupe le château du Graal. Et on a déjà plusieurs visites au château du Graal, qui d'ailleurs amoindrissent un peu celle qu'on va voir dans la quest d'El Saint Graal, parce que du coup, si vous le lisez vraiment dans l'ordre, vous êtes là, bon, il n'y a pas vraiment de mérite à avoir ces apparitions du Graal, puisque tout le monde a basiquement déjà vu le Graal, où on avait vu que Lancelot avait été au château du Graal, Gauvin également. Ils s'en étaient pas très bien sortis, c'est-à-dire qu'ils avaient affronté les épreuves, mais ils n'étaient pas assez... Mais ils s'en sortent toujours mieux que dans la quête d'El Saint Graal. Ils s'en sortent mieux dans la quête du Saint Graal, et ils avaient pu voir de loin le service du Graal, ou voir ces manifestations du Graal à Corbenic, mais ils n'ont pas eu le droit d'accéder, de voir littéralement le service du Graal qui est réservé à une élite. Qui sera en fait la destination de trois personnages pour leur chasteté relative, c'est-à-dire Galad qui est pur, parfait, de toute évidence, Perceval qui a su rester chaste, et Bohort qui, une fois n'a pas été chaste, parce qu'une fois il a été enchanté par un anneau, et il a couché avec la fille du roi Brangoire, et du coup il a... Il a quand même conçu un fils. Hein. Un enfant qui sera empereur de Constantinople, on nous dit, mais comme il l'a fait malgré lui et qu'il s'est repenti, on peut considérer que c'était une faute mineure et qu'il est quand même presque... Il a une virginité suffisante pour accéder à cette... C'est pas tant qu'il est vierge, mais qu'il est chaste dans notre... En fait, il y a plus tard, on verra plus tard qu'il y a une comparaison, une différenciation du pucelage, qui est l'aspect physique de la virginité, c'est-à-dire que vous êtes puceau ou pucelle si vous n'avez pas connu le commerce de la chair, mais qui est distincte de la virginité, qui est en fait... Un état d'esprit. Exactement, mais c'est ouais. Ça. Vous êtes vierge si vous n'avez pas commis dans votre tête le péché de luxe, si vous n'avez pas désiré. Exactement, si vous n'avez pas commis de horny on main, vous avez quand même pu commettre un horny en privé, et pardon pour les blagues Twitter, mais si vous avez commis dans votre cœur, c'est comme le discours christique de l'adultère, commis dans le cœur est déjà un adultère, il est déjà péché mortel, bah là, l'idée est étendue à la virginité, la volonté de perdre sa virginité, son pucelage est déjà une perte de la virginité en elle-même. Et donc, Bohort, qui n'a pas voulu perdre son pucelage, peut rester d'une certaine façon vierge, parce que ça a été fait quand il est enchanté. On retrouve cette idée que les hommes, quand ils sont enchantés, que des femmes couchent malgré leur volonté avec eux, ne sont pas à blâmer, donc il y a une espèce d'évidence que le consentement n'est pas là. Par contre, quand c'est une femme qui est violée, on nous dit qu'elle sera déshonorée, alors que les hommes qui sont d'une certaine façon violés ne le sont pas. Donc, il y a une logique, mais c'est quelque chose qui n'est jamais reproché à Lancelot, par exemple, le fait qu'il ait couché avec la fille du roi Pélès. Il y a Guenièvre qui n'est pas très contente. Guenièvre n'est pas contente, mais justement, on pourrait dire, c'est hors mariage, c'est pas un problème pour lui, et le vrai problème, c'est son histoire d'amour avec Guenièvre qui revient et qui, justement, le traîne en arrière. On a déjà vu une augure de ça, c'est le fait que Lancelot ne peut pas être admis à la quête du Graal à cause de son péché d'adultère avec Guenièvre, et il rencontre régulièrement des ermites qui lui disent ces visions que tu as eues, ces annonces que tu as eues. Il y a des ermites qui disent tu es un bien méchant homme, tu es un vilain parce que tu as, et qui lui disent des paroles énigmatiques, tu es plus amer qu'un fût, qu'un tonneau, tu es plus dur que la pierre, tu es plus. Puis il y a des ermites qui lui expliquent qu'en fait c'est à cause du péché qu'il a commis, et il va devoir se repentir pour pouvoir arriver au seuil de la quête, mais il va pas être admis. Sa repentance n'est pas suffisante, mais il va quand même commencer à renier son amour pour Guenièvre et puis essayer d'aller sur le droit chemin. C'est là qu'on voit vraiment une grosse différence avec le narratif tel qu'il est relaté dans le roman de Lancelot, en tout cas dans la partie qui est antérieure à la queste et plus tard dans le Mortel d'Arthur, et qui est un des éléments qui conforte l'idée qu'à minima, la queste a un rédacteur différent des autres parties. C'est que l'idéologie principale de ce roman-là, de cette queste d'El Saint Graal, est antithétique avec l'idée que l'amour courtois peut être quelque chose de noble, en fait. Même, d'ailleurs, les chevaliers qui n'ont pas commis ce péché adultérin qu'a commis Lancelot avec Guenièvre sont tout aussi à blâmer. Gauvin se fait vraiment littéralement insulter. Quelqu'un lui dit « Ah, Gauvin, vous êtes un bien méchant homme. » Et puis Gauvin répond « Vous me connaissez bien. Vous devez bien me connaître. » Gauvin, le rédacteur n'était pas spécialement en amouraché de Gauvin, qui est régulièrement réprouvé pour ses actions. Il tue Yvain la Voultre. Malgré lui. Mais en fait, il y a une espèce de constance générale, c'est que les chevaliers qui ne sont pas justement Gauvin, qui ne sont pas du coup Perceval, Bort et Galad, sont tous à blâmer. Arthur est à blâmer. Tous les chevaliers ont commis le péché, ont commis l'erreur, ont commis la faute. Il y a une condamnation de la chevalerie terrestre. En général, voilà. Qui a poussé, alors plusieurs personnes y ont vu, alors tout le message arthurien français, on peut le dire, est post-réforme grégorienne. Il intervient dans ce climat justement où la chevalerie céleste, la chevalerie spirituelle est bien valorisée, mais jusque-là, à nulle part on a vu ça de façon aussi explicite et aussi condamnante, damnateur envers la chevalerie terrestre que dans cette caisse d'El Saint Graal. Il n'y a aucun côté de cette chevalerie terrestre qui est présenté dans la caisse comme méritant d'être conservé. C'est assez impressionnant, en fait. Non, il faut se tourner vers la chevalerie qui est dite célestielle, la chevalerie terrestre n'étant plus tout ce qui est l'amour courtois, tout ce qui est le combat, les tournois, etc. n'a aucune importance. Ça se traduit par une dimension ascétique. Il faut se retirer du monde, il faut se retirer de la luxure, de la bonne nourriture, du bon vin. C'est-à-dire qu'on va voir Perceval littéralement tenté par le diable avec toutes ces choses-là, avec de l'alcool, de la nourriture, du sexe. Il faut s'en retirer, il faut se retirer du monde. Et il y a même un pacifisme qui est énorme. C'est-à-dire, il faut pas, par exemple, à Corbenic, quand vous arrivez vers le Graal, il faut pas porter d'armes, alors que justement quand vous êtes un chevalier, vous pouvez suivre la messe en armes, c'est un de vos privilèges, que vous pouvez garder vos armes dans les églises. Mais là, il y a vraiment cette idée qu'il faut être pacifique. Il y a une instance où les trois chevaliers élus tuent trois frères, mais on nous rassure bien après, il y a un ermite qui arrive qui dit « Mais de toute façon, eux, ils étaient pires que des sarrasins. » Donc on les déshumanise complètement. Ils étaient pires que des sarrasins, ils avaient violé leur sœur et ils l'ont tué, et ils avaient battu leur père et ils l'ont fermé. Donc ils ont vraiment horrible sur toute la ligne. Ils détruisaient les églises, ce qui est encore pire. ils étaient pires que des sarrasins, donc là c'est bon, vous avez pu les tuer. Donc on dit quand même « Ok ». Voilà, on doit modérer le propos. Il y a une idée aussi mais il y a un pacifisme assez radical. Et un sacrifice de soi aussi. Par exemple, à un moment donné, on verra la sœur de Perceval se sacrifie littéralement pour soigner une damoiselle lépreuse qui s'avère être basiquement Elisabeth Bathory. Elle donne son sang, elle se saigne à mort pour soigner une lépreuse, effectivement une jeune fille atteinte de lèpre, qui se trouve être en fait une espèce de sorcière vilaine et horrible, qui a déjà consommé 12 pucelles. Voilà, le sacrifice est valorisé dans cette situation-là. Pareil pour Bort, tu parlais justement de Virgin Bort contre Chad Lionel, il y a Bort il est face à un dilemme moral, c'est-à-dire qu'il doit choisir entre aller sauver quelqu'un ou aller sauver son frère, il a le choix. Sauver une demoiselle et sauver son frère. Il voit son frère en difficulté, il dit non, je dois aller sauver cette demoiselle, mais son frère le voit et lui en veut, et puis plus tard le confronte et dit vous allez périr maintenant, et se jette sur lui, mais Bort refuse de se défendre. Il se fait même piétiner par le cheval de Lionel. Il y a Calogrenant qui s'interpose et qui dit à Lionel, non mais revenez, reprenez vos esprits. Puis il y a aussi cette idée, bien sûr, que voilà, ils sont animés par le démon, donc tous ces gens qui s'énervent, qui cèdent à la concupiscence, c'est l'ennemi qui leur fait faire ça, c'est le diable. Mais donc le Bort ne réplique même pas, c'est-à-dire qu'il est en train de se faire basiquement mettre en danger de mort par son frère, mais il ne réplique pas et il sera sauvé par une espèce de providence. Donc vous avez un long discours sur ce pacifisme ascétique, sur la providence, et aussi sur l'élection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le passage biblique est littéralement cité en extension par un ermite. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ces élus, c'est Perceval, Galad et Bort. Et c'est un peu déprimant parce qu'ils sont connus dès le début. Pratiquement dès le début du roman, et on sait, et si vous lisez le Lancelot avant aussi, que c'est eux qui vont arriver parce que c'est eux qui étaient assis à côté du siège périlleux sur lequel Galad s'est assis. Donc finalement, tous les autres chevaliers qui ont joint la quête, et qui sont basiquement tous les autres chevaliers, vont soit périr, soit se perdre, soit échouer. Il y a la notion même qu'ils se lancent dans la quête, c'est pas explicitement dit je crois, mais qu'ils se lancent dans la quête par vanité aussi. Oui. Lancelot, il est tout au début, il soulève même l'idée de pouvoir se lancer dans la quête, et les demoiselles sont tellement tristes à l'idée que tous ces bons chevaliers partent, et dont la plupart va mourir à la quête, et qu'elles décident de les accompagner, et là il y a un ermite qui arrive juste pour dire non, pas de demoiselles. Pas de demoiselles sur la quête. Non, mais c'est ça. Et pas seulement les demoiselles, Arthur est extrêmement affligé parce qu'il y a là une condamnation de la chevalerie terrestrielle et une condamnation d'Arthur parce qu'il se met à pleurer, à se lamenter, qu'il va être privé de ses chevaliers, qu'il va être privé de sa compagnie. Et c'est présenté comme une vanité de la part d'Arthur qui refuse justement les impératifs que lui demande cet appel spirituel. Ah non, ça va me priver de mes bons chevaliers, il n'arrive pas à l'accepter. Vous voyez une distance, on vous le verra ça un peu le mois prochain, mais la distance principale avec le morceau d'Arthur, avec les narratifs aussi de Geoffrey et avec les narratifs des brutes, c'est que là-dedans, la perte d'Arthur, la défaite d'Arthur n'est pas une conséquence nécessairement des péchés d'Arthur. C'est une conséquence parfois d'un péché extérieur. Chez Geoffrey, l'implication, c'est que c'est l'adultère de Guenièvre avec Mordred qui va causer la chute. Mais en général, la chute d'Arthur est souvent vue comme quelque chose, la providence, c'est vu comme la fortune, la roue de la fortune qui tourne et qui va causer malheureusement une perte malgré la volonté de Dieu ou malgré le fait que voilà, Arthur est le bon roi. Là, c'est explicitement... Même si ça raccorde pas thématiquement, ça forme une assez bonne suite du Lancelot, une assez bonne finalement prélude à la mort d'Arthur, parce que la chute du royaume arthurien là est clairement prédite parce que la culture de cette culture de la chevalerie est mauvaise, est pécheresse, elle va ne conduit à rien, et c'est bien ça qui cause la chute selon la caisse d'El Saint Graal, c'est bien ce péché. Et alors, c'est rigolo, parce que si vous regardez après les morts d'Arthur, c'est plutôt dans l'idée que c'est plutôt une suite d'événements indépendamment de sa volonté sur lequel il ne pourrait pas faire grand-chose. Et c'est en fait tout ça qui a vraiment poussé à l'idée que non seulement la personne qui écrit ça n'est pas culturellement dans le même moule que les personnes qui écrivent le reste de la Vulgate, mais qu'elle n'est probablement aussi pas du tout issue de ce moule de la chevalerie. On a voulu y voir l'écriture d'un moine cistercien, notamment, en partie parce qu'il y a beaucoup de références justement aux frères blancs, aux moines blancs, qui sont les cisterciens, parce qu'ils portent des habits blancs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse nécessairement dire c'est un moine cistercien, ou c'est pas du tout un poète, ou c'est quelqu'un qui n'a aucun background chevaleresque. C'est entièrement possible que ce soit quelqu'un qui soit désabusé de la chevalerie qui écrive ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grande, grande maîtrise du texte biblique, peut-être plus que dans aucun des autres textes qu'on a vus jusque-là. Il y a une référence constante à la Bible, au verset près. Vous regardez les citations en ancien français, c'est des traductions exactes des passages bibliques correspondants, référence perpétuelle, très bonne connaissance de la Bible, justement. Ça pourrait tendance à prouver, en tout cas, que c'est quelqu'un d'ecclésiastique, ou du moins un clerc suffisamment versé dans la Bible, et pas du tout, on n'est pas du tout dans un roman en prose chevaleresque classique, si vous voulez. C'est ça qui est assez intéressant aussi, je trouve, dans cette quête, et qui, d'une part, amène sa structure un peu particulière, très didactique, très catéchique, dans la façon dont elle procède, mais d'un autre côté, apporte une réelle différence et un réel intérêt, finalement, à cette critique de la chevalerie, qui est beaucoup plus forte que tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Je dirais encore deux choses. Un thème qui rejoint beaucoup, enfin qui rejoint en fait ce qu'on a dit, c'est déjà contenu, c'est celui de la confession, qui revient énormément. C'est-à-dire, il faut se confesser, et si vous ne confessez pas, c'est pas bien. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans certaines continuations de Perceval et de choses comme ça, que la confession est un impératif pour un bon chrétien, enfin c'est pas quelque chose d'hétérodoxe. Mais là, ça devient vraiment un impératif pour la quête, en fait. Dès que tous ces gens font le serment de partir à la quête du Graal, parce que le Graal s'est manifesté à la cour, on dit immédiatement, ah mais il faut vous purifier d'abord, il faut que vous alliez tous à confesse pour ça. Et les seuls qui se confessent bien, c'est Galad, Perceval et Bort. Les autres sont dit, ils ne pourront pas atteindre ça de toute façon parce qu'ils ne se sont pas confessés correctement. Ouais, ils n'ont pas bien fait le job. Et une autre chose, c'est justement qu'il faut noter que le facteur qui est dans la quête du Saint-Gall ne parle pas explicitement de la chute du royaume arthurien, en fait. Et c'est quelque chose d'assez frappant, on l'a dit la dernière fois, dans une œuvre, si tout ça avait été rédigé d'une seule main ou avec un seul plan, dans une œuvre qui passe son temps à avoir des prophéties, des rêves qui annoncent des choses, des symboles, etc., on s'attendrait à ce qu'il y en ait au moins une ou deux qui nous annoncent que le royaume va s'effondrer, Arthur va mourir, quelque chose comme ça. Mais en fait, on n'en a pas. Mais je pense qu'il y a aussi... C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la chevalerie a échoué, mais c'est aussi une œuvre qui est complète, en fait. Qui pourrait se finir par l'échec. Par exemple, vous avez la tombe de Baudemagu qui a échoué, vous avez... dans les trois chevaliers élus, il y en a un seul qui revient pour basiquement raconter l'histoire. ça pourrait être sa propre conclusion. La mort, le roi Arthur, a des thèmes très en commun, genre justement sur ce côté terrestre, mais revient entièrement dans le monde terrestre, en fait. Vous n'avez plus vraiment cette idée spirituelle qui va jouer un rôle, et vous n'avez plus l'idée que c'est une faute spirituelle qui va conduire à cet échec, en fait. Et je pense que c'est assez frappant, effectivement. Il y a un désintérêt pour ce qui se passe après, parce que de toute façon, le Graal est parti du royaume de l'Ogre. C'est ça, en fait. Le cœur du récit, c'est que il y a trois chevaliers élus, la quête du Graal va être accomplie, mais pas pour le bénéfice du royaume de l'Ogre. Mm. Le soin va être fait parce que ça doit être fait, le soin du roi blessé, du roi méhénier, l'accomplissement est fait parce qu'il doit être fait, mais ça n'est pas pour le bénéfice du royaume de l'Ogre. Le Graal va partir, ils ont échoué, le Graal était là pour justement soutenir le royaume de l'Ogre, et le royaume de l'Ogre a échoué. Donc finalement, c'est extrêmement pessimiste. Mm. On n'est pas du tout dans une optique où la quête est accomplie. Si vous posiez la question de comment on pouvait accomplir la quête du Graal et ensuite il se passe encore des choses mauvaises, finalement, même si ce récit n'est pas tant imbriqué que ça avec le reste du Lancelot Graal, là, surtout avec sa fin, il n'y a pas de suite directe, mais ça explique pourquoi on peut passer d'une quête si réussie à quelque chose d'aussi noir après. Mmh. La fin du temps aventureux n'est pas exclusivement une bonne chose. Les aventures et les miracles de la cour qui se passent autour de la cour du roi Arthur n'étaient pas simplement là pour affliger la Bretagne, c'était aussi l'occasion de prouver la valeur des chevaliers de Bretagne. Et ce temps aventureux qui se termine, ce n'est pas seulement positif, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'occasion pour les chevaliers de Bretagne de se repentir. Ils ne pourront plus accéder à ça. Et quelque part, même s'il n'y a pas de prédiction explicite, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne quand même. Même si le discours est très très différent, je trouve que structurellement, ça fonctionne relativement bien. Même si l'œuvre est complète en elle-même, ça fonctionne relativement bien dans la structure du Lancelot Graal. C'est ça qui est assez intéressant. Je pense que, donc, si on veut faire une espèce de... Avant de vous parler vite des éditions et des traductions qui sont disponibles, l'œuvre suit une structure qui est assez tripartite. Vous avez vraiment le commencement de la quête, donc l'arrivée finale de Galad à la cour, qui a été préparée dans la fin du Lancelot, qui a probablement été écrite après. L'arrivée de Galad à la cour, il se prouve en s'asseyant sur le siège périlleux, en tirant une épée que lui seul peut tirer. Donc là, il est encore plus fort qu'Arthur, hein, il a une épée encore plus spéciale que lui. Vient le commencement de la quête, tout le monde prête serment de la faire, suivent des aventures un peu disparates de Perceval, Lancelot, Gauvin, qui est vraiment mis en difficulté ici, mais aussi Bohort, qui sont finalement tous réunis. Il y a plein de bateaux qui bougent tout seuls et qui transportent les gens d'un coin à l'autre en testant leur valeur. La structure, c'est qu'ils arrivent finalement, après s'être réunis avec Bohort, ouais, et Lancelot, avec Bohort, ils ont une brève réunion avec Lancelot qui a échoué, lui, qui échoue juste avant. Mm-hmm. Lancelot échoue, mais Bohort, Perceval, sa sœur et Galad sont réunis dans une nef. On nous explique l'origine de la nef, l'origine de, finalement, de ses familles, à la fois la famille de Lancelot, Nacien, son ancêtre, la famille du roi pêcheur. On nous explique tout ça. Ils se rendent au château du Graal, ils voient le service du Graal là, ils rencontrent ces 9 autres chevaliers, donc il y a évidemment un parallèle avec les 12 apôtres. Et là, le Graal où Jésus ou le Christ ou l'Eucharistie elle-même, on ne sait pas très bien qui, envoie ses apôtres de par le monde, et Perceval, Bohort et Galad vont amener le Graal justement à Sarras, d'où il est finalement venu en royaume de l'Ogre, où il va finalement avoir le dernier service, où vont être enterrés auprès du premier serviteur du Graal, auprès du premier évêque, Joséphée, le fils de Joseph d'Arimathie, vont être enterrés Galad, Perceval, sa sœur, qui est morte auparavant, et finalement c'est seulement Bohort qui va rester en vie... qui va revenir... Donc, spoiler, Galad meurt parce qu'il peut voir dans le Graal et puis il peut accéder justement à la connaissance. Il dit « Oh Dieu, merci de m'avoir donné cette... » Puis c'est sous-entendu que la connaissance à laquelle il accède ou la vue qu'il accède est trop puissante pour un mortel et du coup, il meurt. Perceval devient ermite, meurt brièvement après. Puis Bohort est justement le seul qui peut revenir dans le monde pour raconter l'histoire. Parce qu'il est aussi le seul, le moins pur des trois, finalement. Voilà, c'est celui qui était, justement, il est resté au seuil. Il pouvait pas sortir complètement du monde parce qu'il a... Même s'il a pu voir le Graal, même s'il a pu comprendre le service du Graal mieux que les autres, mieux que Lancelot, en tout cas, qui s'est retrouvé aveuglé pendant 24 jours après avoir aperçu le miracle du Graal. Puis c'est là qu'on nous dit justement qu'il raconte l'histoire d'Arthur, qu'il a fait mettre par écrit par Gauthier Map en latin, donc il y a cette idée qu'il y aurait un original latin, et que son seigneur l'aurait fait ensuite traduire en français. Donc c'est là qu'on a cette attribution du cycle, en tout cas de la quête, à Gauthier Map, qui est effectivement très douteuse. Un mot maintenant sur les éditions de la quête du Graal que vous pouvez trouver. L'édition un peu classique, c'était celle de Albert Pauphilet, au début du XXe siècle, qui, que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne de façon plus ou moins légale, mais vous pouvez trouver des scans en ligne de cette édition-là, qui est toujours relativement, qui tient toujours relativement bien la route. Il y a d'autres versions, versions courtes, versions longues, et il y a un autre travail qui a été fait dessus. Vous trouvez toujours les versions anglo-saxonnes hein, de Sommer, la grande classique de l'édition intégrale. À noter que Frédéric Furnival, qui est un des grands éditeurs du 19e siècle, a fait une édition basée sur les manuscrits de la British Library, du British Museum à l'époque, de la Caisse. C'est pas très courant, je crois, pour un texte arthurien, chez Furnival en français en tout cas. Mais évidemment, après, vous avez Pophilet et plusieurs traductions en français basées sur Pophilet. Beaucoup de traductions finalement de la Caisse d'El Sangreal. J'ai l'impression presque plus que du Lancelot en fait. Ouais. Bah, c'est un texte qui est relativement court. On a dit c'est 1/8 du Lancelot, donc ça ne demande pas une infrastructure énorme. La traduction qu'on trouve beaucoup, c'est celle de Albert Béguin et Yves Bonnefoy dans la collection Sagesse Au Seuil, je crois. Au Seuil, oui. Sur Sagesse, donc un peu. Une édition illustrée, vous trouvez une édition de poche assez classique. Mais c'est assez curieux, effectivement, ils l'ont édité un peu en solo. C'est rigolo que ce soit vraiment le truc qui serve à évoquer le mystère d'Avalon, mystère en fait, celte, alors qu'en fait, finalement, c'est probablement le plus chrétien de tous les textes. Oui, c'est ça. Il y a quand même cette idée de. Il y a l'idée d'allégorie, de symbolisme. C'est clairement une œuvre religieuse et spirituelle, mais. La traduction de Béguin s'appuie sur celle de Pophilet. Elle a été publiée en 1946, juste après la guerre, dans la collection Cris de la France, des éditions LUF à Lausanne d'ailleurs. Mais je sais pas si c'était vraiment la même version, parce que c'était sans Bonnefoy qu'il a fait cette version, justement, le Cris de la France. Non, c'est sans Bonnefoy. En fait, il l'a publié, puis il manquait, pour des raisons matérielles apparemment, il y a des passages qui ont été enlevés du livre. Donc soit des problèmes d'impression, soit des problèmes d'édition, je suis pas sûr, mais ils ont été enlevés. Et Bonnefoy, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit les passages qui manquaient. Donc c'était à chaque fois. 5 pages, une dizaine de pages, disons, en tout, je pense qu'il y a une trentaine de pages qui manquaient du bouquin, qui ont été complétées par Bonnefoy de l'édition de Béguin. Et c'est celle que vous trouvez un peu partout, c'est-à-dire en livre de poche généralement, dans des brocantes, etc. C'est celle sur laquelle vous risquez de tomber si vous voyez un livre intitulé La quête du Graal. À noter que cette collection, Le Cri de la France, je découvre, c'est la connexion des presses de l'Université de Fribourg à la base, en fait, en Suisse. Ça a été créé justement pendant que la France était occupée pour publier des textes français, cette collection. Le grand réseau catholique. Mais donc on a cette édition-là qui est un peu la traduction pure, la plus classique. Vous avez une traduction chez Champion, évidemment, hein, vous en trouvez une traduction chez Champion. Dans les trucs gratuits, vous avez la traduction de travail de Micheline Combarieux du Gré, dont on a parlé la dernière fois. Elle avait traduit justement le Lancelot, un peu traduit mot à mot, donc c'est pas non plus la traduction la plus réfléchie. Elle a fait pareil avec l'édition de Pophilet de la quête du Saint Graal et l'édition de Frappier de La mort le roi Arthur. Vous pouvez les trouver en ligne, donc c'est pratique pour référencer ou en tout cas pour se repérer dans l'édition de Pophilet. Mais il faut noter que c'est un peu daté et qu'effectivement il y a certaines des conclusions philologiques de Pophilet qui ont été un peu mises en doute. Donc les versions les plus récentes que vous trouvez, c'est bien sûr de nouveau la Pléiade dans le livre du Graal, dans le dernier volume qui contient la fin du Lancelot, la quête du Saint Graal et La mort le roi Arthur. Toujours d'après le manuscrit de Beaune, donc là pas grand chose à dire, c'est une édition bilingue de ce manuscrit là et puis vous avez une édition critique plutôt aux lettres gothiques, enfin critique, c'est lettres gothiques, donc ça reste relativement moins critique que disons une édition scientifique pure. Comme d'habitude, les lettres gothiques ont tendance à publier à recruter des chercheurs émérites, en l'occurrence deux chercheurs qui ont toutes les deux travaillé, deux chercheuses pardon, qui ont toutes les deux travaillé en Angleterre. C'est une édition qui se lit très bien, j'ai trouvé ça très fluide. Donc c'est Fanny Bogdanoff et Annie Berry Anne Berry qui a traduit et Fanny Bogdanoff qui a édité. C'est assez standard, hein, c'est les lettres gothiques, c'est dépendable, comme on dit en anglais. Comme la Pléiade, c'est bilingue, donc vous avez le texte en vieux français et le texte en vis-à-vis. C'est extrêmement vite, hein. Ça paraît massif comme ça, mais le volume en fait comprend aussi une bonne centaine de pages d'introduction, à peu près 200 pages ou plus de notes et de trucs. Donc ça occupe à peu près 550 pages, donc 270 pages en tout. À lire en traduction pure, c'est un roman, c'est 300 pages, donc c'est la taille d'un roman assez standard. Finalement. Oui, ça se lit vite. C'est surtout assez répétitif, ça peut être assez pénible si vous aimez pas cette structure assez. On vous explique toutes nos allusions dans le détail. À noter que c'est aussi une version basée sur un manuscrit unique, hein, je crois celle de Bogdanoff, même si elle est composée, elle est, disons. Altéré par d'autres manuscrits quand il y en a le besoin. Mais simplement, c'est vraiment une approche assez. C'est assez intéressant parce que vous pouvez quand même assez bien voir les lacunes du manuscrit dans l'édition, puisque l'édition en français comprend vraiment tous les écarts et tous les, entrecrochets au manuscrit de base. Donc vous verrez à quel moment, typiquement, le manuscrit de base n'avait pas nécessairement toutes les choses expliquées aussi en détail. Vous comprenez pas ce qui se passe. Voilà. Non, mais typiquement, une scène, je pense que c'est plutôt les rédacteurs successifs des autres manuscrits qui ressentent le besoin d'expliciter une scène plus en détail. Typiquement, vous avez une scène d'Eucharistie qui est assez simple en elle-même. Voici ton Seigneur, je vous le donne. Et là, dans la version de l'autre manuscrit, plus complète, vous avez. Et là, il se lève, il va à l'hostie, il prend l'hostie, il l'embrasse, etc. Enfin, ouais, c'est ce genre de truc, quoi. On rajoute en prose pour rendre explicite ce qui n'est pas nécessairement. Il y a différentes versions cycliques, plus ou moins longues ou courtes, qui élaborent ou raccourcissent, mais on va pas forcément entrer dans les détails. Surtout que C'est pas comme le lanceur, il n'y a pas vraiment de version non cyclique de la quête. Il y a un peu de changement. Et puis surtout, ces dernières années, il y a eu pas mal d'éditions de manuscrits un peu minoritaires ou intéressants comme ça qui ont été faites de la quête de la Sainte Graal. Il y en a eu, je crois, 4 ou 5 dans la dernière décennie. Donc c'est fort possible qu'il y ait encore que tout n'ait pas été dit sur ce texte et qu'il y ait de nouvelles éditions critiques qui sortent et qui mettent tout ça à jour. Donc on va pas forcément s'avancer là-dessus, surtout que c'est un texte qui a relativement peu de changements par rapport justement au Lancelot ou à d'autres œuvres, qui a une structure relativement univoque. Justement, c'est ça qui se prête bien aux traductions. Après, typiquement, la thèse de Catherine Skubla, qui est parue à la Sorbonne en 2012, qui est une édition critique d'un des manuscrits français de la BNF. À noter que je découvre comme ça que la Caisse des Saint Graal a été éditée dans le cadre d'une édition complète d'un manuscrit Lancelot de Yale, illustré même. Donc il y a toujours une publication assez fréquente. Ce qui est intéressant d'ailleurs que ce soit et c'est quand même très discuté. On trouve une grosse bibliographie sur la Caisse des Saint Graal. Moi qui trouve, disons, c'est pas nécessairement le texte arthurien sur lequel je trouverais le plus à dire. Ouais. Parce qu'il est tellement auto-explicite. Hein, ouais. C'est ça, c'est pas un truc comme le Père Lesvos où tu peux vraiment te noyer dans une myriade d'interprétations. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui restent à dire. Et on va essayer d'en dire quelques-unes juste après une pause musicale où on va commencer à vous raconter l'histoire de cette fameuse quête du Saint Graal. L'histoire de la quête del Saint Graal commence donc avec Galahad, le garçon parfait, le perfect boy de ce cycle, où il faut d'abord aller le chercher parce qu'il n'est pas encore à la cour. Donc il y a une dame qui arrive à la cour le jour de la Pentecôte pour demander à Lancelot de la suivre, parce qu'elle a besoin de lui pour adouber quelqu'un. Ils sont en fait être Galahad, et accompagné de Bohort et de Lionel, il fait ça, il l'adoube, son fils. Et sans savoir que c'est son fils. Sans savoir exactement. C'est pas toujours très clair s'il sait exactement, il se doute un peu, il reste un peu, genre quand Lionel et Bohort sont très dispendieux et font des compliments à la beauté de la figure de ce jeune homme, etc. Lancelot reste très silencieux et très circonspect, et il y a plusieurs moments où il ne réagit pas forcément, et au fil du roman, plusieurs fois, il va se rendre compte progressivement que oui, effectivement, c'est son fils, mais c'est pas toujours clair à quel point il en est conscient. De retour à Camelot, il remarque une inscription sur le siège périlleux qui avait déjà dissous des chevaliers un peu aventureux qui avaient osé s'asseoir dessus, qui indique que ce trône trouvera son titulaire, son occupant, l'année 454 après la Passion, qui est en fait l'année à laquelle ils sont. Ils sont « Oh, ça annonce de grandes choses !» Alors ils mettent un drap dessus pour dire comme ça les gens ne le verront pas, et comme ça quand la prophétie s'accomplira, ça ne créera pas de panique et ça peut s'accomplir tranquillement. Il y a un perron sur lequel une épée est fichée qui apparaît flottant sur l'eau, donc qui arrive par la mer. L'épée s'est inscrite qu'il ne faut peut-être pas l'enlever parce qu'elle est destinée à quelqu'un de très spécial. Bien sûr, nous, on sait que c'est Galahad. C'est lui qui va réussir à l'enlever alors que Gauvin et Perceval ont échoué. Et Lancelot n'essaye même pas, en fait. Il se rend compte, Lancelot a cette espèce de conscience que, comme ça lui a été annoncé, il ne pourra pas être à la hauteur, et donc il essaye même pas. Alors que tout le monde veut qu'il essaye, hein. Tout le monde sait que Lancelot est le meilleur. Il y a un peu cette amertume qui déborde du Lancelot. Galahad y arrive, s'assied sur le siège périlleux, il remporte un tournoi, il commence à démontrer sa force, et tout le monde voit que c'est le meilleur chevalier, de toute évidence. Mais au milieu du tonnerre, d'une éclatante lumière, le Graal fait son apparition à la table ronde et il distribue de la nourriture à tout le monde, une nourriture magnifique, donc ce motif du festin qu'on avait vu dans les continuations. Mais sans qu'il voit vraiment le Graal, en fait, c'est pas explicite. Non, il peut pas voir le Graal lui-même, il y a une espèce de voile qui est là, mais ils savent qu'ils sont nourris du Graal, en fait. Ils voient pas forcément qu'il porte, les gens ne voient pas jamais directement ce qui se passe, mais les chevaliers prêtent le serment de partir à sa quête, donc les uns après les autres, puis forcément quand Lancelot et tout le monde a prêté serment d'aller à la quête, bah, tous les chevaliers se lancent. Arthur est très triste parce que voilà, il est privé de sa compagnie et il se lamente, il pleure même quand ils vont à la messe ensuite. Et on leur dit bien sûr, il faut que vous vous confessiez avant. Et comme on l'a dit, ils vont pas forcément le faire et seuls les élus vont y parvenir. Galahad arrive dans une abbaye de moines blancs. On a dit que ces moines blancs, probablement des cisterciens, une allusion aux cisterciens, sont très très présents. Et il est le seul à pouvoir prendre l'écu de Mordrin. On nous raconte toute l'histoire de cet écu. Il y a toute une histoire où il y avait une croix. Il y avait une croix de soie rouge dessus. Donc c'est un écu d'argent à la croix vermeille, un écu blanc à la croix rouge, qui avait été d'abord une croix de soie, qui avait été donnée à un roi, qui lui avait servi de bataille. Mais la croix de soie s'était accrochée à son bras et finalement c'était le sang de... Le sang du roi qui avait servi à... Le sang du roi qui avait servi à refaire la croix. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui me fait beaucoup penser, moi, à la victoire de Constantin au pont Milvien, en fait. On a l'idée vraiment histoire de... avec ce signe, tu vaincras... Le roi païen qui est en danger, et puis Joseph lui dit, mais si tu prends cette croix, tu vas pouvoir vaincre. Et puis bien sûr, ça le convainc, et il se convertit. Il y a clairement cette idée d'évangélisation des... ouvrez les guillemets, sarrasins, qui sont en Grande-Bretagne. Donc cette figure du sarrasin païen, qui est cette espèce de mélange de tout ce qui n'est pas... chrétien, ce qui n'est pas juif non plus, mais disons ce qui n'est pas chrétien. Galahad est le seul à pouvoir prendre cet écu qui lui est destiné, clairement. Baudemagu essaye de le prendre, mais il y a un chevalier qui vient basiquement lui casser la gueule parce qu'il a essayé de le faire et qu'il laisse à terre et est blessé, pour le rendre à Galahad. Il adoube son valet Melian, qui est un fils d'un roi du Danemark, mais qui du coup peut rejoindre la quête maintenant qu'il est adoubé. Et Melian et Galahad se séparent parce qu'il y a basiquement des panneaux qui disent « Aventure dangereuse à gauche, aventure autrement dangereuse à droite » et ils décident de se séparer. Et puis Melian voit une table avec un repas dessus et aussi une couronne d'or et il décide de prendre la couronne d'or, mais il est pourchassé par un chevalier qui vient de nouveau le blesser pour son orgueil parce qu'il a été, atteint du péché de convoitise. Et une fois qu'il a été blessé, il est secouru par Galahad, qui l'amène dans un monastère parce qu'il croit qu'il va mourir, mais finalement il arrive à s'en sortir et il parvient à la rédemption. Ce chevalier a apparemment été envoyé par le Graal justement pour punir l'orgueil de ce nouveau chevalier. Donc on a déjà ce genre de condamnation d'un chevalier terrestre parce qu'il a pris cette couronne d'or par convoitise. Galahad arrive dans un château où les pucelles sont prisonnières et il épargne la vie aux 7 chevaliers qui les gardaient. On dit qu'ils sont très terribles, ils auraient violé la fille du roi qui était là, ils sont horribles, mais dès qu'ils commencent à s'enfuir, ils ne les pourchassent pas. Pourtant, ils tombent sur Gauvin, Gaëriette et Yvain, qui les massacrent, et un ermite leur enjoint de se repentir, mais ils refusent, disent que finalement, il n'y avait pas vraiment de problème à les tuer. Lancelot et Perceval se baladent, et ils rencontrent Galahad sans les reconnaître, et sans qu'ils le reconnaissent non plus, et ils les désarçonnent, et ils tranchent le home de Perceval, ils les laissent assez mal en point. Mais Lancelot passe la nuit dans une chapelle en ruine où en fait il se sépare. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est assez intéressant, c'est que Lancelot dit: je dois partir à la poursuite de ce chevalier à la croix vermeille qui est si fabuleux et qui nous a battus, il faut que je cours après lui. Perceval dit: non mais attendez, la dame à l'ermitage nous a dit de pas nous battre contre lui, parce qu'il y a une dame qui leur dit: non, ne vous battez pas contre lui, il est si bon et si pur, etc. Donc elle doit le connaître. Et du coup Perceval dit: on a qu'à retourner 20 mètres en arrière et puis lui demander. Et Lancelot dit: non, je peux pas attendre une minute. Et Lancelot part. Du coup, ils se séparent à ce moment-là. Lancelot arrive dans une chapelle où il y a un moment où c'est pas très clair si c'est un rêve ou éveillé, mais en tout cas, il est endormi, il a les yeux à moitié fermés et il assiste à la scène, mais sans pouvoir se réveiller, comme s'il était un peu pétrifié. Il a une vision du Graal, en fait. Il a une vision du Graal où il voit un chevalier malade qui va être sauvé par le Graal, mais ça dit qu'il est littéralement assoupi et comme s'il faisait semblant de dormir pour pas qu'on voie qu'il est éveillé, mais que d'un seul coup, il n'arrive plus à bouger, il n'arrive plus à se réveiller et il doit assister à ça, impuissant. Il est guéri par le Graal et le chevalier malade, maintenant d'aplomb, vole les armes de Lancelot et se barre avec. À son réveil, il voit que c'est effectivement ce qui s'est passé, que ce n'était pas un rêve, et il y a une voix qui lui reproche ses péchés, et il parle à un ermite de tout ce qui s'est passé, et cette voix lui dit notamment justement qu'il est amer comme fût. Au départ je comprenais pas, mais en fait c'est fût comme un tonneau, comme du bois qui a été laissé avec un liquide qui pourrit autour, il est dur comme la pierre, il est pire que... Et il va voir un ermite qui lui explique, en fait, oui, ça dit que tu es comme la pierre, car la pierre est pécheresse, car ton cœur s'est endurci, et comme si... Blablabla. Tu es plus amer que le fût, parce que tu... Il décide de renoncer à son amour pour Guenièvre, et d'être clean, et d'être sur la voie, sur le droit chemin. Perceval rencontre une de ses tantes, qui est recluse, qui est la sœur de sa mère, je crois, et qui lui dit que, comme Bord de Gaune est le chevalier parfait, que nous on sait que c'est Galahad, il arrivera à accomplir la quête du Graal. Donc là, il n'y a plus vraiment de suspense, parce que c'est littéralement prophétisé à Perceval qu'il y arrivera. Elle lui reproche d'avoir abandonné sa mère, ce que Perceval regrette effectivement. Et lui explique qu'elle est morte, en fait. Oui. C'est là que ça m'a fait commencer à me faire penser, en fait, que cette structure du Lancelot Graal et cette structure de la matière de Bretagne en général. Je sais que je vais dire un truc qui est un peu cliché, voilà, mais en termes de fiction, il faut vraiment, si ça peut vous aider à penser à ça de façon un peu cohérente, si vous essayez de raccrocher les fils narratifs d'un univers à l'autre, mais dans cette version-là, il n'est pas comme ça. Pensez aux comics et aux comics de DC particulièrement, mais ceux de Marvel, ça marche aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez des versions complètement différentes, mais vous avez des éléments généraux qui sont les mêmes. Typiquement, l'idée que la mère de Perceval est morte à son départ, c'est un truc qui va revenir souvent, même quand on n'a pas le Perceval tel qu'il est raconté par Chrétien III, c'est un élément qui est important ici. C'est son oncle Ben. Son côté, voilà, exactement. mais les grandes lignes sont toujours là. C'est pour ça que je pense que la comparaison peut-être avec Marvel est un peu mieux, parce que Marvel ne réécrit rarement ses histoires d'origine, mais préfère partir d'un statu quo, disons, mais les grandes lignes sont toujours là. Mais c'est d'ici, c'est pareil, il y a plusieurs versions de la jeunesse de Batman, et vous pouvez demander à. Suivant qu'il y a pas, il y a une idée peut-être plus cohérente, un canon plus cohésif, mais dans la matière de Bretagne, c'est beaucoup plus fluide. Mais l'idée reste la même. Vous pouvez tout à fait, vous voyez Batman, vous pouvez imaginer plus ou moins son origine, vous pouvez imaginer plus ou moins ses combattants, ses ennemis. Bah là, c'est plus ou moins la même chose en fait. Il y a des constantes typiquement. Bah Lancelot et Guenièvre, il y a Gauvin qui est un chevalier valeureux, mais on peut voilà. Un lover. Beau parleur, un lover. Qui est un peu voilà disgracieux et méchant. Et Perceval qui est vierge. Et qui est parti en causant le chagrin de sa mère. Alors Vierge, ouais, ça va dépendre. Ça dépend des versions, effectivement, d'interprétation. Et là, effectivement, il va être. Mais là, par contre, il va être bientôt tenté. Il va être tenté. Donc, il est quand même. Il n'est pas complètement. Il reste humain, on va dire. Perceval arrive à un monastère, justement, où on voit Mordrin. Donc, Mordrin, c'était Evalac, ce roi païen qui s'était converti par Joseph d'Arimathie, toutes ces histoires avec son bouclier. Il est couvert de plaies et basiquement aveugle, en fait. Parce qu'après cette bataille, justement, il était protégé par Dieu, donc il était couvert de plaies, il était vachement amoché, mais la protection, la grâce de Dieu faisait que ça lui faisait pas mal, et il ne saignait pas, il était juste comme ça, très amoché. Mais sauf qu'une fois, il a enfreint le service du Graal, je crois qu'il a essayé de soulever le voile qui était sur le Graal, alors qu'il n'était pas autorisé à y assister directement, et du coup il a été affligé à rester avec ses blessures qui saignent, et à ne manger que l'Eucharistie, donc très proche du roi Méhénier, mais c'est pas le roi Méhénier, c'est Mordrin. D'ailleurs, il va... Dans certaines continuations de Perceval, on va voir justement que les deux figures se chevauchent. Mais donc, il est un de ces personnages qui est coincé sur Terre et qui doit souffrir en attendant l'arrivée du bon chevalier dans cette espèce de purgatoire. Et Perceval voit justement le service de l'Eucharistie où on donne, il est derrière une grille, et on lui donne l'Eucharistie, il sort de sous un drap. On voit qu'il est couvert de plaies, puis après il retourne sous son drap une fois que la messe est finie. Perceval affronte ensuite une vingtaine de chevaliers, donc on nous dit qu'il est pas à la hauteur, hein, il se fait tabasser. Et il est sauvé par Galahad qui vient à son secours. Il essaye de courir après, mais il n'y arrive pas. Une demoiselle lui remet un cheval diabolique pour essayer d'aller après. Mais ce cheval, c'est un motif qu'on va retrouver aussi dans les continuations de Manessi et Gerbert. Une demoiselle lui remet un cheval qui est en fait diabolique. Et donc le cheval galope de plus en plus. Puis d'un seul coup, il pense qu'il va tomber sur une rivière. Mais en fait non, le cheval saute par-dessus la rivière tellement il est puissant. Et il l'amène dans une île sauvage jusqu'à ce qu'il soit un peu impressionné par ça et il fasse le signe de croix et du coup le cheval disparaît, tombe dans l'eau et l'eau se met à bouillir et brûler. Mais du coup, bah, où est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé sur une île et il ne peut pas en repartir. Il y a une femme, un bateau qui arrive avec une femme dessus qu'il séduit à l'aide d'un filtre en lui faisant boire du vin, de la nourriture comme ça, donc toutes ces tentations charnelles, et il est prêt à coucher avec elle. Elle nous dit assez explicitement qu'en fait c'est le diable. Et là c'est une de ces allégories et de ces codes que je trouve qui marchent assez bien. C'est-à-dire que personne lui demande « Mais qui vous êtes d'ailleurs ?» Et elle dit « Ah mais j'étais la plus belle de la maisonnée, mais j'ai pris ombrage et j'étais au service du plus grand de tous les rois. Et puis je lui ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Alors il m'a jeté avec toute ma maisonnée et tous mes compagnons. Et donc j'ai commencé une guerre éternelle contre lui avec eux. Et j'ai été jeté dans un désert. » Donc on comprend assez vite quand on lit ça que c'est le diable, que c'est l'histoire du diable et de la chute des anges. Mais qui a raconté? Là c'est un cas où je trouve que c'est plutôt assez bien fait. Bah là disons ça marche mieux parce que c'est le diable littéralement. Donc ouais. Du coup le fait que le diable symbolise ou prenne l'apparence de quelque chose et qu'on dit après ah c'était le diable, voilà, ça paraît plus cohérent. Quand c'est sept chevaliers qui représentent les péchés capitaux, ouais, là, ça se marche un peu plus sur les ça pieds. Se marche sur les pieds parce que est-ce que c'est vraiment des chevaliers qui ont une autonomie, est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils représentent, il y a une espèce de confusion perpétuelle dans la Caselle Sacrale entre ce que les personnages sont et ce qu'ils sont censés être, ouais. À la fois pour le lecteur et pour les personnages dans le récit. Dans la plupart des récits arthuriens, dans le Père Lesvos par exemple, si quelque chose symbolise quelque chose, c'est souvent plus pour le lecteur que pour les chevaliers qui peuvent être surpris, voilà. Ou qui peuvent ne pas comprendre. Là, c'est clairement qu'on explique aux chevaliers. Donc, il semble en fait que la quête du Saint Graal elle-même soit simplement une espèce de théâtre d'ombre, une espèce de théâtre de marionnettes à laquelle les chevaliers doivent pour expliquer aux chevaliers, c'est tout une espèce de complot génial où on leur montre des poupées qui sont censés représenter tel ou tel élément. Mais c'est quelque chose qui est finalement très biblique, en fait. C'est-à-dire cette tradition chrétienne, notamment d'interpréter l'Ancien Testament à partir de la lumière du Nouveau, et de dire, ce passage de l'Ancien Testament, quand vous le lisez dans le texte, vraiment, vous voyez que c'est juste un passage qui a un sens assez clair et simple, mais on va lui trouver une nouvelle signification chrétienne, ce qui aboutit à des choses un peu ridicules, parfois. Genre, vous avez ces prophéties sur la... Un exemple que j'aime beaucoup, c'est les prophéties sur la chute de Babylone. Vous avez un passage où on dit les enfants seront basiquement fracassés sur les murs. C'est-à-dire que la chute de Babylone, la ville est en feu, les velus, donc ces créatures indistinctes qui sont des espèces de loups, de fauves, sont en train de danser dans Babylone. Et puis dans le siège et le carnage, il y a des gens qui massacrent les enfants et qui les fracassent contre les murs. Bah, saint Augustin va dire, en fait, ces enfants qui sont fracassés contre les murs, ce sont en fait nos mauvaises pensées, ce sont nos pensées pécheresses qu'on doit fracasser contre les murs. Et en fait, quand on lit le texte d'origine de la Bible, c'est clair qu'on parle de la chute violente de Babylone, l'effondrement de la puissance qui s'est opposée à Dieu, de cet orgueil, etc., et son effondrement violent et brutal. Augustin va reprendre ce passage et dire, en fait, non, ça a un sens spirituel qui s'applique à nous, chrétiens, aujourd'hui. Il y a cette espèce d'idée qu'on va prendre ces histoires et les appliquer à cette dimension intérieure, spirituelle, pénitentielle du christianisme, qui aboutit parfois à des contradictions un peu... ou des paradoxes assez étranges. Par exemple, typiquement dans la version chrétienne, souvent on va dire que la marque de Caïn, donc cette marque qui met Caïn à part de l'humanité pour éviter qu'on le tue, ils vont dire « Ah oui, la marque de Caïn, c'est la croix ». Puis on est un peu « Mais est-ce que la croix, c'est vraiment la marque ?» Pas vraiment, mais il y a cette idée de recycler. Et quelque chose qui est très prégnant dans la quête du Saint Graal, c'est justement il se passe quelque chose et ensuite on lui donne un sens spirituel, même s'il a un sens premier degré beaucoup plus clair. En l'occurrence, sur cette île, je trouve que ça marche très bien parce que justement, bah, la demoiselle qui tente Perceval à coucher avec elle, bah, on nous dit bah, la luxure, c'est satanique et sa tante, ça se chevauche tellement complètement que ça marche bien. Et ça marche bien parce que c'est clairement, la demoiselle est une incarnation de Satan. Alors que, c'est pas comme si les chevaliers du château des Pucelles étaient littéralement des incarnations des péchés capitaux. Puis elle l'attire à venir dans son espèce de pavillon. Je crois qu'il y a un pavillon avec des tentures sur le bateau. Elle dit viens dans le pavillon. Et puis il y a une ermite plus tard qui va lui expliquer, qui va lui dire en fait ce pavillon représentait le monde. Il représentait le monde parce que le monde est pêcheur. Et donc le fait qu'elle t'invitait à dormir dans le lit avec elle, le fait qu'elle te donnait de la nourriture, le fait qu'elle te donnait du bon vin, ce qui est justement rare parce que le texte nous dit d'ailleurs à cette époque le vin c'est quelque chose que seuls les riches avaient et la plupart des autres gens buvaient de la cervoise. Donc là, on voit la tentation que ça peut avoir d'avoir cet alcool plus fort et plus raffiné. Tous ces éléments-là sont vus comme justement des péchés, des tentations, et ils symbolisent en fait les péchés et les tentations plus larges du monde, en tout en étant. Et Perceval est sur le point de coucher avec cette dame, quand d'un seul coup, il voit le pommeau de son épée, et il voit que ça fait une croix. Il voit une croix vermeille sur le pommeau, en fait. Sur le pommeau, il a une apparition comme ça qui lui fait reprendre ses esprits, parce qu'il est plus ou moins enchanté et fait un filtre. Il fait le signe de la croix, et là, bien sûr, la femme se... Il y a un renversement, le lit est basculé, il y a de la fumée qui sort, il y a une voix terrible, il fait « Ah, Perceval, tu m'as encore, bien sûr, parce que c'était le démon. » Et de la même manière que pour le cheval, le signe de croix permet de se libérer de son emprise. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle vraiment d'une pratique extrêmement didactique, en fait. On est vraiment dans un texte qui va expliquer pourquoi c'est important de faire un signe de croix aussi. C'est là que je trouve le côté vraiment didactique intéressant, et purement parce qu'il va expliciter... Le fait que faire le signe de croix se confond un peu avec la réalisation de quelque chose. C'est un geste mécanique, mais c'est aussi un geste qui fait prendre conscience de ce qui est vrai. Donc il y a un renforcement et une positivation des pratiques chrétiennes quotidiennes que vont faire les gens qui lisent ou qui entendent ce texte récité. C'est quelque chose qui était très fort, qu'on avait vu justement dans le Merlin en prose, dans toute la question de la mère de Merlin violée par un démon. Où elle, c'est parce qu'elle a manqué d'attention à un moment, parce qu'elle s'est couchée en colère et qu'elle n'a pas fait le signe de croix, qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour se prémunir contre le démon, qu'elle est corrompue par ça. Donc vous avez le même genre de logique ici avec cette menace permanente de l'ennemi, et cette présence en fait du diable dans ce roman. Perceval avait aussi vu sur cette île notamment un serpent qui avait kidnappé le bébé d'un lion, le petit d'un lionceau qui avait été kidnappé par le serpent, et il se dit, dans la hiérarchie des bêtes, le lion est plus sympathique et moins méchant que le serpent, puis le serpent c'est clairement un dragon, il a des oreilles et il crache du feu, donc on dit serpent, mais voilà. Il le combat, et puis ensuite il y a une dame qui est sur un lion et une dame qui est sur un serpent, donc de nouveau un dragon, qui viennent lui parler, et la dame sur le serpent lui dit, mais pourquoi as-tu tué mon... Tu as bien mal agi envers moi et tu m'en dois une, etc. Puis il dit, mais pourquoi? Mais parce que tu as tué le serpent que j'aimais bien. L'ermite lui expliquera que, en fait, le serpent, c'est l'ennemi, et c'est aussi l'ancienne loi. La dame sur le lion, c'est la nouvelle loi, et la dame sur le serpent, c'est l'ancienne, donc la loi juive qui a été remplacée. Il y a un anti-judaïsme assez fort, hein, même s'il n'est pas aussi explicite que dans, par exemple, le Père Lesbos, par exemple. Non, il y a l'opposition de la nouvelle loi et de l'ancienne loi qui est assez forte. Ils ont ensuite un vieil homme entre-temps qui vient visiter Perceval et qui lui dit qu'il va subir justement des épreuves et des tentations. Et Perceval dit « Ah, je meurs, personne ne peut m'aider. » Mais Dieu va t'aider dans sa providence. Puis le vieux se barre sur son bateau puis on peut se dire « Mais tu pourrais peut-être l'emmener avec toi. » Mais il s'avère qu'en fait, ce vieux est un peu... Il semble que ce vieux est un esprit parce qu'après qu'il ait vaincu cette tentation, le vieillard revient. Et Perceval lui dit « Mais le fait de vous voir, ça me satisfait comme si vous étiez le pain de vie nourricier ou en fait l'Eucharistie et que vous étiez un esprit. » Et là, le vieux disparaît, ce qui laisse entendre que Perceval avait compris qu'en fait, ce vieux qu'il visait était une espèce de personnification de l'Eucharistie qui pallie à sa faim, en fait. C'est-à-dire que quand la dame, justement, lui repropose de la nourriture ensuite, il peut dire « Ah non, je n'ai plus faim, il y a un vieux qui m'a parlé et il m'a entièrement rassasié. » Donc là, il y a vraiment cette idée que c'était une vision, une apparition de l'Eucharistie, que quand il l'a compris, le vieux disparaît, il y a une voix qui dit « Perceval, tu peux monter dans ce bateau » et qui va l'emmener vers de nouvelles aventures. La notion que le bateau va être importante, hein, ce bateau va être important parce qu'il va littéralement rassembler, c'est ces bateaux qui vont rassembler les vrais participants de la quête du Graal, les vrais vainqueurs de la quête du Graal. Ces nefs qui arrivent, alors il y en a plusieurs, mais ça va être le point commun de ces trois héros, en fait, qui vont se retrouver sur des nefs successives. Le récit retourne à Lancelot, il y a des retours fréquents, mais là, le récit ne dit plus rien de Perceval et parle de Lancelot. Et là, on retrouve Lancelot, justement, il va recevoir une nouvelle armure, il a été dépouillé de son armure, de ses armes et de son cheval, il va en recevoir une nouvelle. Et en fait, il y a toute une histoire où il va croiser un ermite qui regarde le corps de son... qui veille le corps d'un de ses amis, qui était aussi un saint homme, et en fait, il va littéralement... interroger le diable en fait pour lui demander s'il a une... c'est assez particulier cette scène, hein. Il invoque littéralement le diable pour lui demander est-ce qu'il est en enfer, est-ce que tu as réussi à avoir ton emprise sur lui, le diable là non je ne peux pas, il commence à expliquer pourquoi. Il va littéralement, par contre ce qui va être significatif là c'est que l'ermite en question portait une hare en fait, ce qu'on appellerait un cilice je crois aussi, oui. Une espèce de chemise en crin en fait, douloureuse. Et l'ermite décédé donc la portait et c'est Lancelot qui va maintenant la porter et il va la garder toute la fin de la quête en fait l'ermite portait une chemise de lin, une belle chemise, et justement l'ermite interrogeait Satan parce qu'il disait porter une belle chemise comme ça fait pas partie de la règle de notre ordre, et là il y a l'invocation du démon et on raconte toute sa vie et on dit en fait c'était un chevalier et il a été un chevalier, il a eu cette vie chevalier terrestre mais il s'est repenti et est devenu un ermite, il portait une R et ensuite il y a des gens qui ont voulu se venger de lui pour ce qu'il a fait dans sa vie de chevalier. Donc les neveux d'un type, d'un de ses ennemis, sont venus le tuer, et ils ont essayé de lui taper dessus, mais ils n'arrivaient pas à le taper dessus parce qu'il était solide comme une enclume. Donc ils le cognent, ils n'arrivent pas. Ils veulent le brûler. Et il dit « Ah non, mais vous pouvez me brûler, mais... » Puis « Ah, ton heure de mourir est venue. » Puis il dit « Oui, peut-être que mon heure de mourir est venue, mais je mourrai parce que Dieu le veut bien, et pas à cause du feu, parce que vous ne pourrez pas m'atteindre, même si je portais la plus fine chemise possible. » Et alors, ils lui mettent justement cette belle chemise sur lui, donc c'est pas de sa faute s'il portait ce beau vêtement. Ils lui mettent cette belle chemise sur lui, et ils le foutent sur un bûcher. Mais le bûcher n'arrive pas à l'attaquer, ni lui ni la chemise. Et du coup, eux, après, ils sont terrifiés quand ils voient que le corps n'a pas été entamé par les flammes. Et ils le laissent là, et le corps est intact. Et du coup, ben, en fait, il portait cette belle chemise au lieu de porter la R. Mais il avait une bonne excuse parce qu'on la lui avait mise dessus. Et du coup, Lancelot prend effectivement la... Mais il prend la R, Lancelot. Il prend la R parce qu'il... Il prend pas la chemise en lin. Il prend pas la chemise en lin parce qu'il dit justement qu'il veut se faire pénitence. Et il va apprécier... On nous dit même qu'il va apprécier cette sensation douloureuse. Et il va faire un vœu de rester chaste jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Qui va d'ailleurs... Bonne chance. Voilà, exactement. Mais c'est là qu'il a la vision, justement, de cette fameuse vision de deux chevaliers de sept rois. Et il va voir qu'il est descendant, justement, de Nacien, qui est le beau-fils du roi Mordrin, qui est ce premier roi converti par Joseph d'Arimathie. Et ces trois sont les descendants de Nacien jusque à son grand-père qui s'appelait aussi Lancelot, à son père le roi Ban. Et les deux chevaliers, c'est Lancelot et Galahad, justement. Et il y a un symbole final, c'est que Galahad se transforme en lion. Donc on a effectivement... Un lion ailé qui étend ses ailes sur le... Alors c'est assez clair que c'est le lion, c'est un symbole extrêmement courant, hein, c'est Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas, et voilà, c'est... Donc c'est plein de parallèles. Ce qu'on a vu dans le Lancelot aussi, et qu'on verra aussi, c'est que Lancelot c'est le léopard, tandis que Galahad c'est le lion, c'est ce qui apparaissait justement dans les préludes de la fin du Lancelot. Et en fait c'est là qu'il se retrouve face à un tournoi où se battent des chevaliers noirs et des chevaliers blancs. Sauf que les chevaliers noirs sont en train de perdre, et que Lancelot, en bon chevalier, va défendre les chevaliers qui perdent, donc les chevaliers noirs. Il aurait dû faire c'est une quête spirituelle, il aurait dû faire attention à la couleur, à la symbolique des couleurs, quand même. Voilà, exactement, Pastoureau aime ça. et du coup, il va... Le noir, c'est une couleur démoniaque, mais c'est aussi la couleur du Christ. Voilà, on va lui... c'est seulement après que ça lui est expliqué par une damoiselle, en fait. Il va finalement se retrouver face à une rivière où il ne trouve ni pont et ni moyen de traverser. En fait, il va devoir attendre à cette rivière, littéralement. Il va prier pour la guidance et le récit le quitte là. Gauvin, comme on a dit, Gauvin ne se porte pas forcément très bien dans ce récit-là. Il tue 10 chevaliers, il a pas l'air de faire vraiment repentance. Je regarde, ah ouais, c'est pas terrible, mais je veux pas me repentir, pas me confesser. Il tue aussi Yvain Lavoutre, qui est donc le frère illégitime, le frère naturel de Yvain, qui meurt et qui dit, si c'est mourir de la main d'un prud'homme tel que vous, ce n'est pas si grave. Et puis, il le tue parce que, comme d'habitude, hein, dans ces récits, il se trouve face à un chevalier. Évidemment, il se tape dessus. Il se castagne, ils se reconnaissent pas. Ils se reconnaissent pas. Il pertise dans le mal malgré les admonestations de l'ermite Nacien, qui est donc un de ces personnages qui a basiquement 500 ans maintenant, qui était justement le beau-frère de Mordrin. L'ancêtre de Lancelot. Et qui aussi devrait être libéré par Galahad. L'envers de Gauvin, c'est Bohort, qui lui se confesse de sa liaison d'une nuit avec la fille du roi de Brangoire, qui n'était même pas vraiment de sa faute, mais il se confesse quand même. Il voit aussi, il faut noter aussi qu'il a Bohort a une vision d'un pélican. Qui se saigne pour nourrir ses petits. Ouais. Ça, c'est l'image classique. Hein. Le pélican, on croyait qu'il se saignait sa poitrine avec son bec pour nourrir ses petits. Et du coup, il était devenu un symbole christique au Moyen-Âge. Voilà. J'avais parlé de Arthur, King of Time and Space. Puis comme tous ces épisodes seront un peu repris dans la section, dans le chapitre de Mallory qui reprend la quête du Saint Graal, il s'en moque un peu. Puis justement, il y a un chevalier qui passe à côté d'un oiseau qui pisse du sang dans la bouche de 4 petits oisillons. Et il dit... ça voudra sûrement dire quelque chose plus tard. Là, c'est assez transparent. Et c'est là qu'il va aussi notamment aider. De nouveau, on a un parallèle ancienne loi, nouvelle loi. Si vous avez commencé à voir les parallèles qu'il y a, il se répète pas mal. Il va aider notamment une jeune sœur qui a été déshéritée par sa sœur plus âgée, ouais. Il va l'aider à récupérer en fait son. Mais cela convainc que on a un motif qui est en fait très typique et qu'on avait déjà vu chez Chrétien par exemple, mais là on va avoir cette espèce de portée symbolique qui se greffe très bien sur quelque chose qui était un motif très courant. Les deux sœurs ou la sœur déshéritée typiquement, ça c'est un truc là. Ben là il y a un symbolisme ajouté et c'est là qu'intervient l'incident justement où il doit choisir entre sauver son frère Lionel qui est en train d'être kidnappé par deux kidnappeurs, justement. Deux malfrats. Et une jeune demoiselle qui a été kidnappée par son cousin et qui va être violée par le cousin en question. Et du coup, il décide que son honneur chevaleresque demande qu'il doive... il doit aller sauver la jeune fille plutôt que son frère qui est un chevalier. Et du coup, il va facilement battre le cousin de la jeune fille. Il va la ramener chez elle. Et il va chercher, justement... son frère. Et là, il va croire, le récit nous dit clairement que c'est lui qui croit ça et que c'est pas vrai. Il voit une vision du corps de son frère mort, en fait. Oui, il y a un faux religieux qui essaie qui dit venez, allons dans cette ruelle, vous trouverez le cadavre de votre frère. Puis donc, c'est clairement une tentation qui est mise en place par lui. Et l'ermite va lui dire vous aurez dû sauver votre frère. Ouais. Il y a des moments comme ça, c'était pareil avec Perceval d'ailleurs, ouais. où il fait face, par exemple, à un dilemme et quelqu'un va lui dire il va suivre son instinct qui va être le bon, mais quelqu'un va intervenir pour lui dire vous avez fait faux, ouais. Et là il y a un doute, est-ce qu'il a fait faux, et ensuite on va confirmer non il avait raison typiquement. Ouais, c'est l'incident du serpent et du lion. Il y a un moment où vous vous dites pendant 2 secondes il s'était trompé, les apparences, mais non, en fait les apparences vont être confirmées. C'est là qu'il y a un dialogue entre ce qui est la représentation et ce qui est vrai au premier degré, parce que c'est vrai que si le serpent était l'animal de compagnie de la demoiselle, ça aurait été mauvais de le tuer. C'est ça. Si c'était véritablement juste un animal, que c'était justement la signification mondaine de cet événement et qu'on la prenait littéralement, oui, tuer l'animal de compagnie d'une dame qui vous a rien fait, c'est pas spécialement gentil. Mais comme c'est littéralement un symbole démoniaque, ça va. Vous avez une opposition entre les deux. Il faut aussi dire que ces personnages démoniaques qui viennent tenter les chevaliers, pour un lecteur moderne, ne sont pas très subtils, parce que ils connaissent clairement des choses qu'ils ne peuvent pas connaître s'ils sont juste des personnages humains qui se baladent par là. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup de moments où Perceval, il y a la dame qui arrive et qui dit « Perceval, l'infortuné », il fait « vous connaissez mon nom, vous me connaissez ». Mais d'un autre côté, c'est aussi le cas des ermites omniscients, qui apparemment reçoivent tous le même mémo qui leur explique les progrès de la quête du Graal. Donc ils vivent dans un univers où tout le monde est plus au courant qu'eux, de ce qui se passe véritablement. Donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas vraiment de doute face à ces... Mais il y a aussi une instigation. Cet ermite, par exemple, lui explique qu'il a fait une mauvaise action en préférant sauver la demoiselle que son frère avec qui il avait un devoir fraternel. Il va aussi lui expliquer une vision qu'il avait eue de deux oiseaux, un oiseau blanc magnifique et un oiseau noir qui lui dit « Je suis noir, mais je suis belle ». Donc, si vous êtes... si vous avez lu un peu votre Bible et que vous êtes au courant, vous savez que c'est probablement l'oiseau noir qui est plutôt correct dans cette, dans cette allégorie. Mais là, l'ermite, le faux ermite va lui dire « Non, non, le cygne, c'est une demoiselle belle, riche de haute naissance, qui te demandera d'être son amie, mais tu vas refuser de l'entendre, tu vas refuser de lui faire l'amour, et elle va mourir de chagrin. Et l'oiseau noir, c'est ta vanité qui va te faire refuser ça, parce que tu veux être vierge, parce que tu veux aller au Graal. » Donc là, il y a une espèce de double twist, genre, voilà. Mais est-ce que le discours des ermites... est-ce que la vraie chasteté, ce ne serait pas de coucher avec une femme, finalement, au bord? C'est clairement pas le cas, mais c'est intéressant parce que c'est une interrogation qui pourrait être légitime. C'est clairement là pour que quelqu'un qui dise « Attendez une seconde, vous me dites qu'il ne faut pas être vain. » Mais si vous êtes tellement... c'est comme la question de « Est-ce qu'on peut vouloir le martyr ?» Si vous voulez le martyr, c'est que vous voulez mourir. Mais est-ce que vous pouvez vouloir mourir ? Non, on ne peut pas être martyr, en tout cas dans le catholicisme, si on meurt parce qu'on veut mourir. On ne peut pas être martyr en allant délibérément face à la mort. Mais d'un autre côté, on peut vouloir le martyr. Donc c'est l'histoire, la même chose ici avec le Graal. Est-ce que la vanité, à un moment, peut empêcher... même si on est tellement vain qu'on veut absolument rester pur par vanité, est-ce que c'est la même chose? Après, il faut dire que dans ces textes médiévaux, il n'y a pas du tout le même rapport au suicide, notamment il y a un moment Non, c'est clair que non. On avait déjà vu Lancelot et Guenièvre qui suicidaient quand ils entendaient la moindre rumeur que l'autre allait pas très bien. Mais là, dans la quête du Graal, justement, il y a un moment où Perceval court après Galad, il a plus de cheval parce qu'il se fait tuer son cheval, et il demande le cheval qu'un valet est en train de garder, il y a un valet qui a un cheval en trop, et il lui demande prête-le-moi et je te servirai, je t'en voudrais une. Le valet lui dit non parce que je le garde pour mon seigneur. Et Perceval dit ah ben dans ce cas, prends mon épée et tue-moi sur le moment parce que si je ne peux pas courir. Oui. Non, ce que j'entendais plutôt, c'était que là, on pourrait imaginer la dialectique, tu vois, aussi. C'est un peu le même genre d'idée. Mais bah c'est ça, on peut imaginer. Je pensais justement aussi que dans ces romans-là, il y avait un lien assez bizarre au suicide. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais enfin, tout ce que je voulais dire ici, c'est clairement que les questionnements qui pourraient se poser sont prévus par le texte. Mm-hmm. Et alors, après cette aventure, et après qu'il soit fait d'ailleurs tabasser par... juste avant de te faire tabasser par son frère qui n'est pas vraiment mort en fait, Lionel, on va lui expliquer qu'en fait non, ces oiseaux, c'est pas cette histoire de damoiselle, non, il fait bien de refuser la damoiselle parce que l'oiseau noir symbolise vraiment l'église et la bonne loi, que les apparences sont effectivement parfois un peu trompeuses. Justement, cette demoiselle à laquelle il refuse de coucher, c'est une dame qui essaie de le tenter et qui lui dit d'ailleurs, si tu couches pas avec nous, moi et mes 12 compagnes, on va se jeter dans le vide depuis le haut de la tour. Et il continue à refuser même malgré ça. Alors que justement, on avait vu dans le Lancelot, vous vous rappelez quand Lancelot était malade et qu'il voulait, il y a une dame qui pouvait le soigner que s'il donnait son amour, sinon elle allait mourir de chagrin. Mais s'il donnait son amour, alors c'est Guenièvre qui allait mourir de chagrin parce qu'il avait donné son amour à quelqu'un. Donc vous aviez ces espèces d'équations de la mort de chagrin qu'il fallait essayer de résoudre pour que Lancelot puisse être soigné sans confier son amour et sans rompre son serment à Guenièvre. Et puis là, on avait des espèces de jeux de logique où les gens venaient lui dire, mais Lancelot, il faut que vous fassiez ce que vous devez faire pour vivre. Les principes, on peut les twister un petit peu. Là, par contre, on a une espèce d'abnégation qui est presque totale. Non, non, non, jetez-vous dans le vide, je m'en fous. Ça entre pas en compte dans le fait de respecter ce principe. Mais le fait que ce soit là, le fait que cette suggestion qu'en fait, il pourrait être trop vain et cet oiseau noir pourrait représenter la vanité qu'il a, est soulevée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas caricatural, en fait, tant que ça. Et je pense que c'est un des moments les plus subtils, je trouve, du récit, pour moi. Mm-hmm. Et parce que c'est intéressant, parce que ça soulève une possibilité qui est légitime et qui a dû être un questionnement. Qui est plusieurs interprétations et ses apparitions. Alors, inévitablement, à la fin, cette interprétation en question est fausse. Ouais. Parce que, évidemment, que non, non, il faut pas, c'est pas être vain que de vouloir être pur. Mais c'est une interrogation qui mérite d'être relevée, ne serait-ce que pour être, niée. Parce qu'il ne peut pas faire sans la mentionner. Dans une logique de catéchisme, finalement, où on va poser la question, on va la soulever. Mais aussi, ça montre, finalement, dans cette logique peut-être un peu cistercienne, que ces chevaliers sont entièrement dépendants de ces ermites omniscients pour interpréter ces visions. Ils ne peuvent pas les interpréter par eux-mêmes, et même quand ils sont confrontés à une mauvaise interprétation, ils ne sont pas forcément capables de voir eux-mêmes qu'elle est là. Ils dépendent entièrement de la guidance morale de ces ermites, qui, comme on l'a dit, reçoivent toujours tous des mémos qui leur expliquent exactement ce qui se passe pendant la quête du Graal. C'est un autre intérêt, enfin, c'est un autre indice vers l'idée que c'est plutôt quelqu'un d'orienté spirituellement qui va nier, disons, son autonomie spirituelle à la chevalerie et qui va la rendre subordonnée à cette classe, justement, d'ermites, mais aussi de moines et de religieux, en fait. Mm-hmm. On est clairement dans une opération, là, de subordination de cette religion, de cette chevalerie qui doit être, qui ne peut être éventuellement le bras armé de l'Église, mais qui, surtout, doit viser à son amélioration spirituelle et pas du tout à sa vertu chevaleresque ou à sa fine amour. On est tout à fait dans un univers différent du Lancelot propre, par exemple. Et comme tu l'as dit, bah justement, Bort a échoué à sauver son frère, mais son frère va justement le retrouver et lui foncer dessus en le menaçant. Mais Bort refuse de se défendre, donc il se fait piétiner et broyer les os, nous dit-on, par le cheval de Lionel, qui tue... Il y a des gens qui vont justement... Il l'implore de ne pas le tuer, il dit rappelle-toi de l'amour fraternel qui doit être en nous, j'ai dû aller sauver cette dame, etc. Il y a un ermite et calogrenant qui se jette en travers et qui essaie de ramener Lionel à la raison, en fait. On dit qu'il est enflammé par l'ennemi, etc. Mais Lionel tue l'ermite, il tue calogrenant et il s'apprête à tuer Bort, qui refuse de se défendre. Et il y a un brandon de feu qui ressemble à de la foudre qui tombe du ciel, et il y a une énorme flamme qui tombe entre deux et qui brûle leurs écus, et ils sont si effrayés qu'ils tombent à terre, ils restent un peu tombés dans les pommes, et quand ils se relèvent, la terre est devenue rouge à cause du feu, mais Bort remercie le ciel que son frère n'est pas de mal, genre le combat a été interrompu sans que Lionel soit blessé, et une voix qui lui dit de se lever, d'aller vers la côte, et là il trouve justement la barque dans laquelle est Perceval, et Perceval et Bort sont ainsi réunis. Ou la nef, hein, la barque c'est peut-être un peu... la nef qui... Le terme est un peu... Disons, faut pas vous imaginer que Lancelot, que Perceval est en attente là dans un petit bateau, une coquille noire, hein, c'est peut-être un bateau un peu plus, disons, élaboré qu'une barque à deux rames. Et donc il rejoint du coup ce bateau, qui va aussi en fait embarquer Galahad, donc les trois compagnons de la quête seront réunis dessus. Mais justement, il faut qu'on voit justement les aventures de Galahad maintenant, puisque il va d'abord se frotter à Hector et Gauvin, qui sont face à lui dans un tournoi, mais il ne les reconnaît pas, et là, en fait, va se retrouver la réalisation d'une prophétie qui est intervenue tout au début du récit. En fait, on avait dit à Gauvin... On a essayé de prendre l'épée. Voilà, Gauvin a essayé de prendre l'épée, mais on lui a dit non, tu ne prendras pas cette épée, d'ailleurs tu vas même regretter d'avoir, si tu prends cette épée tu vas regretter de l'avoir prise parce qu'elle te donnera un coup particulièrement vif, et là il va lui donner une terrible blessure au cours de ce tournoi. C'est une prédiction de Lancelot en fait qui va se trouver réalisée. Lancelot a un côté un peu, c'est assez intéressant parce que c'est Lancelot qui est plus visionnaire dans la quête d'El Saint Graal. C'est lui qui fait des prédictions parce qu'il sait, il l'a déjà rencontré, il sait au fond de lui en fait qu'il n'est pas capable, mais ça lui donne une espèce de vision de ce qui peut arriver. Et ben justement, le Gauvin va échouer à retirer l'épée et il va se faire dans ce tournoi blesser gravement à la tête par Galahad. Et en fait, juste après ce tournoi, une demoiselle va l'amener au rivage et c'est là de nouveau qu'il va rencontrer la nef de Perceval et Bort, en fait. Et là, va arriver une nouvelle nef qui va être cette fois-ci vraiment la nef du Graal. Une nef sur le côté de laquelle est marqué que les seules personnes qui peuvent monter dans cette nef sont des gens qui ont une vraie et forte foi en Dieu et en Jésus, peut y monter. Et la demoiselle qui a amené Galahad pour retrouver Perceval et Bort va apprendre à Perceval qu'elle est sa sœur en fait, et qu'elle est la fille du roi Pélène, donc ça peut être Pélinor, hein, tel qu'on le connaît parfois. Mais d'autres versions, je crois que c'est dans le Perles Fos qu'on appelle Tindran, ou enfin il y a la plusieurs noms suivant les versions, mais ici elle n'est pas nommée explicitement, mais là leur foi est tellement forte qu'ils peuvent rentrer dans ce bateau, et dans ce bateau ils voient un lit magnifique qui n'est pas un lit, on nous dit que c'est pas fait un lit pour s'y reposer, sur lequel il y a trois poteaux ou trois bouts de bois, en tout cas, qui sont cloués étrangement, qui sont trois colorés, qui ont chacun une couleur particulière qui n'est pas faite de main d'homme. C'est pas ils n'ont pas été peints. Ils ont la couleur naturelle d'un bois. L'un est blanc, l'un est vert et l'un est rouge. C'est la naissance de l'Italie en fait. Exactement. Et en fait sur le lit on trouve une épée étrange qui a des inscriptions prophétiques sur qui peut la retirer en fait. Et l'histoire en fait va être racontée, notamment une histoire que c'était l'épée qui a causé le coup douloureux, le premier grand coup sur le royaume de l'Ogre, dans la guerre contre le roi Varlan et le roi Lambor. Et le roi Lambor est en fait le père du roi Méhénier, du roi blessé, donc le grand-père du roi Pélès, qui est lui-même le grand-père de Galahad. Et c'est ce coup, quand le roi Varlan, qui était un ancien roi sarrasin, enfin païen, quoi, qui a été converti, a frappé et tué le roi Lambor avec cette épée, ça a causé le royaume du Graal de devenir cette espèce de terre gaste telle qu'elle était On l'a vu notamment dans Le Perceval, par exemple. Hein, cette espèce de... C'est l'impression du coup de qui a un sens tout à fait différent dans la post-vulgate, notamment avec l'histoire de Balin. On va donner un autre sens à ça, on va lier au motif du roi Méhénier. Mais là, on a véritablement... c'est un coup où il a basiquement tranché en deux verticalement le roi Lambord, donc on comprend que le coup est affligé la terre par Ricochet. Et en fait, on va ultérieurement aussi apprendre que c'est le fils du roi Lambord, en essayant de prendre cette épée, donc le roi Méhénier, va être blessé entre ses deux jambes par une lance... Parce qu'il n'était pas nulle part une lance magique. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de tirer cette épée. Voilà, il n'était pas digne. Donc on a l'explication justement du roi Méhénier de sa blessure. Et on va aussi, c'est là qu'on va aussi expliquer en fait le récit de l'arbre de vie. Le récit de l'arbre de vie est un récit qui n'est pas directement, enfin qui raconte l'histoire de ce bateau en fait, et l'histoire de cette épée et l'histoire de cette. Il y a aussi une autre épée en fait, qui est l'épée aux étranges attaches, aux étranges ranges. Qui est dans un espèce de baudrier d'étoupe de chanvre. Et en fait, il y a une inscription qui dit que seule une femme, fille de roi et de reine, pourra l'enlever. En fait, c'est la sœur de Perceval, et qui remplace le baudrier par des trucs tirés de ses propres cheveux. Et du coup, elle peut justement faire cette magnifique épée. Et en fait, il va y avoir l'histoire de cette... Souvent, les manuscrits, tous les manuscrits n'ont pas cette histoire, hein, mais cette histoire va expliciter l'histoire à la fois de cette épée, de ce baudrier d'étoupe, qui en fait, l'épée a été faite, et le baudrier d'étoupe a été fait pendant le règne du roi Salomon. Mm-hmm. Et l'arbre qui a servi à faire les trois poteaux, en fait, est à la base l'arbre de vie, en fait. C'est un rejeton de l'arbre de vie qui a été planté par Ève hors du paradis. C'est l'arbre sous lequel Ève et Adam ont consommé, en fait, leur union. Et conçu Caïn et Abel, et plusieurs de ces jetons de ces arbres, en fait, vont avoir des couleurs différentes. Et c'est comme ça qu'on nous raconte. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'à différents moments, justement, au départ, il était blanc parce qu'il était chaste, puis il est devenu vert quand ils ont consommé leur union et qu'ils ont engendré Caïn et Abel. Et quand Caïn a tué Abel, l'arbre est devenu rouge, donc couleur de sang, pour marquer le péché. Et en fait, suite à une prophétie, Salomon a fait faire à la fois la nef, l'épée et le lit. Et c'était destiné à devenir justement les... Je trouve ce passage extrêmement drôle parce que justement quand ils clouent les trois bouts ensemble, le blanc, le vert et le rouge, ils font une espèce de trapézoïde bizarre qui est assez difficile à s'imaginer. Ils le clouent, puis après ils prennent un peu de recul et font voilà, ils comprendront de quoi il s'agit, ils comprendront la signification. Parce que ce qui est rigolo, c'est que dans cette histoire, on nous implique que la femme de Salomon est un peu une méchante en fait, parce qu'il faut quelqu'un qui ait la fourberie d'une femme pour réussir le plan en fait. C'est assez curieux en fait ce passage. On nous dit qu'elle est méchante, mais on nous dit pas explicitement pourquoi, mais simplement parce que elle est un peu fourbe comme une femme, et c'est cette fourberie qui va lui permettre de créer ça. Et en fait, cette histoire, cette nef, une fois qu'il l'aura écrite, elle va partir d'elle-même du rivage une fois que les inscriptions ont été faites, et on lui dira, une voix lui dira: attends, voilà, Salomon, un homme de ta lignée parviendra à résoudre les mystères de cette nef. Et l'origine de cette nef vient de cet arbre de vie, vient de cette histoire du roi Salomon. En fait, ce que je dis, c'est qu'ils disent en fait un peu l'inverse. Ils disent, quand ils regardent ce que sa femme a fait, ils disent: tu as fait merveille, car tous les habitants du monde pourraient se réunir ici, ils seraient incapables, sans l'aide de notre Seigneur, d'expliquer le sens de cette nef. Donc, c'est l'idée même que cette nef va être pouvoir trouvée par seulement ceux qui sont guidés par Dieu et qui ont basiquement l'Esprit Saint qui tombe sur eux pour leur expliquer ça, quoi. Et du coup, on va avoir l'idée que cette épée avec ses attaches d'étoupe va seulement pouvoir être attachée par la sœur de Perceval à Galad, en fait. Et c'est Galad qui va porter cette épée-là dorénavant. Et qui va donner l'épée, d'ailleurs. L'épée va aller à Perceval, je crois. L'épée qu'il avait retirée du rocher au début va être donnée à Perceval, puisque... Je crois que c'est justement l'épée qui rejoint celle qui avait été donnée par le forgeron. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'elle va faillir au moment qu'elle devrait être débonnaire, mais qu'elle va échouer. Parce qu'il y a encore une autre épée après, qui est une épée brisée en deux, comme dans les continuations de Perceval aussi. En tout cas, toujours est-il que il va y avoir des aventures préalables avec Joseph, Nacien. Il y a plusieurs, il y a toute une série, et ça dépend des manuscrits. Certains manuscrits parlent de l'histoire de façon différente que d'autres. C'est là qu'il y a une des principales différences se situe autour de ces épées, de cette nef en fait. Il y a beaucoup d'interprétations différentes et d'idées, disons, qui ne sont pas toujours complètes autour de cette nef. Donc après l'histoire de l'arbre de vie, une fois qu'elle a été racontée, on apprend en fait que les chevaliers la prennent parce qu'ils voient une aumônière dans laquelle se trouve une lettre sur le lit qui raconte toute l'histoire de la nef. Donc ils vont apprendre quelle est l'histoire, quel est le sens de tout ça, comme nous on vient de l'apprendre. Et la demoiselle, donc la sœur de Perceval, va révéler quelle est la demoiselle qui doit nouer les attaches sur l'épée, mettre un baudrier qu'elle a en fait tissé avec ses propres cheveux. Et ils vont pouvoir enfin quitter la nef et vont avoir plusieurs aventures assez rapidement. En fait, ils vont d'abord trouver un château où vivent trois chevaliers mauvais. Oui, qui sont ces fameux pires que sarrasins, qui ont violé leur sœur, battu leur père et l'ont jeté en prison, qui ont détruit les églises et maltraité les ermites, ce qui est encore pire que tout le reste. Voilà. Et donc on lui dit, ils les tuent, mais ils le regrettent. Et heureusement, il y a un ermite qui vient dire que, ok, pour eux, ça allait, parce qu'ils sont littéralement, voilà ils ont été tellement vils. Ils ont été vils et ils ont mis à mal leur père, qui a été terriblement blessé. En fait, le père va voir Galahad. Il est libéré de sa prison par Galahad, Bor et Lancelot, et en fait il va être tellement ravi parce qu'il comprend tout de suite qui est Galahad, et il va donc mourir dans les bras de Galahad, heureux d'avoir pu apercevoir le bon chevalier, le bon chevalier, le chevalier du, le soldat du Christ. Il est souvent appelé soldat du Christ aussi, hein, en plus de bon chevalier. Après sur ces entrefaites, ils continuent leur voyage, ils tombent sur une espèce de vision qui est très perlésorossienne pour le coup, d'un cerf blanc entouré de quatre bêtes qui se trouvent être les quatre évangélistes. En fait, c'est un symbole du Christ et des évangélistes, assez clairement. Qui était déjà apparu à la fin du Lancelot, dans la préparation à la quest, justement, donc un préalable, un prémisse à cet épisode-là, clairement, où justement Mordred disait qu'il n'avait rien à battre, mais Lancelot voulait savoir ce que signifiait cette vision, et on ne l'apprenait finalement pas. Hein, c'était un petit peu de teasing dans la réécriture de la fin du Lancelot. Et c'est là qu'en fait ils vont tomber sur un château un peu étrange où se pratique une coutume assez sinistre. En fait, dès qu'ils voient une jeune fille qui se trouve être de famille noble et vierge, ils vont lui en extraire un plat de sang en fait. Ils vont la faire saigner dans un plat parce que leur dame qui dirige ce château se trouve être lépreuse et a malheureusement besoin du sang d'une jeune fille vierge, de sang royal, pour survivre. Et en apprenant ça, la sœur de Perceval décide de le faire d'elle-même, même si ça la tuera en fait. Elle sait que ça la tuera. Et elle le fait, et elle se fait saigner, et elle meurt. Mmh. Et on lui dit, alors on dit qu'elle sera enterrée seulement une fois qu'ils auront atteint, elle va être embaumée, puisqu'elle sera enterrée une fois qu'ils auront atteint le château de Sarras, donc le château final où ils vont ramener le Graal à la fin, et elle sera enterrée avec Galahad et Perceval. Et en fait, c'est là qu'on révèle en fait qu'elle va être embaumée et placée dans une barque en fait qui va dériver jusqu'à ce qu'il la retrouve plus tard. Et en fait, on nous explique que cette demoiselle en fait est maléfique et c'était une mauvaise dame et qu'elle avait fait tuer 12 vierges auparavant pour ça. Et en fait, l'explication ici semble être que peu importe, puisque les raisons derrière le sacrifice de la sœur de Perceval étaient nobles en fait. C'était, semble-t-il, une illustration de sa bonté en fait, plus que d'autre chose ici. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de cet incident. Oui, c'est assez bizarre. Ils arrivent justement au cimetière et ils voient 12 pierres tombales et c'est là qu'ils comprennent qu'il y a déjà 12 filles qui sont mortes pour cette dame et que ça révèle en fait. Il n'y a pas vraiment de châtiment. En fait, si tu veux, ils décident, une fois qu'ils ont mis la. Parce qu'il faut quand même préciser que la demoiselle va être punie, hein, elle va pouvoir vivre comme ça. Après avoir été guérie, ils interviennent, donc ils embaument la personne de Perceval, ils la mettent dans une barque, ils refusent de retourner dans le château parce qu'ils disent non, c'est trop tragique, on est content qu'elle vous ait soigné, mais c'est trop triste pour nous, donc on va partir. Et au moment où ils partent, la foudre va frapper le château, elle va complètement le détruire et tuer tous les occupants. Et c'est là qu'ils décident d'aller voir ce qui s'est passé, et là ils voient les pierres tombales, ils comprennent que en fait, cette demoiselle qui avait été soignée un peu pour rien, en fait. Ils sont là, ah bah s'ils se sont fait annihiler par Dieu, ils ne devaient pas être complètement bons. Et c'est là qu'ils comprennent en fait que cette demoiselle était. Avant de le découvrir, ils rationalisent avant, mais puis justement il y a cette scène un peu dramatique. Et... Voilà, ils vont partir, ils vont se séparer et ils vont de nouveau se retrouver avant, mais d'ici là, il va avoir quelques aventures supplémentaires à Lancelot. Et en fait, Lancelot va. On lui demande d'attendre une nef au bord de l'eau. Et d'y entrer. Et en fait, il va tomber sur la nef dans laquelle ils avaient mis la sœur de Perceval. Mmh. Et Perceval, vu qu'il était malin, avait fait écrire sur une lettre qu'il avait mis sur le corps de sa sœur. C'est ma sœur. Voilà, c'est ma sœur, exactement, qui elle est, de quelle est sa famille. Et la lettre apprend en fait tout ce qui s'est passé, pourquoi elle est morte, ce qui va lui advenir après. Et Lancelot sait en fait en lisant la lettre que du coup Bort, Galad et Perceval ont été réunis et qu'ils vont aller trouver le Graal. Donc il va prier là pour pouvoir revoir son fils avant la fin de la quête parce qu'il a envie de faire la fête. Et il est rejoint par Galad. Après, bon, il va d'abord rencontrer un vieillard qui va raconter toute l'histoire. Il va attendre pendant un mois en mangeant de la manne sur le bateau jusqu'à ce que finalement il voit arriver Galad tout seul sur sa nef. Ils vont donc s'embrasser, ils vont se raconter leurs aventures. Et Galad va dire « Ah ben voilà, c'est là qu'est la sœur de Perceval maintenant. » Il va lui raconter l'histoire de l'arbre de vie. Ils vont en fait chacun s'expliquer leurs histoires et vont rester pendant 6 mois dans cette nef en fait, en servant la créateur, en trouvant des aventures dans les îles auxquelles ils accostent. Mais là, le conte nous épargne tout le détail de ces aventures en nous disant que le conte du Saint Graal n'en fait pas mention car il faudrait trop de temps pour raconter tout ce qui leur arriva. Mais il va y avoir une aventure père-fils en fait, comme ça, entre les deux. Et en fait, un chevalier blanc, un jour ils vont accoster, et un chevalier blanc va dire à Galad que maintenant il est temps pour eux de se séparer après ces 6 mois d'aventure ensemble, qu'il va devoir aller trouver le Graal et que du coup il reverra plus son père. Et il doit achever les aventures du royaume de Logre. Et c'est là qu'ils se séparent, ils vont se bénir, et Galad va entrer dans la forêt à la suite du chevalier blanc qu'il a appelé, et Lancelot va errer dans la nef et va se retrouver sur un château. Et en fait, ça va être le château du Graal. Il arrive au château de Corbenic, oui. Il va arriver au château de Corbenic. Il est gardé par deux lions qu'il arrive à, il arrive à les passer par sa vertu chevaleresque. Et on lui dit qu'il va voir dans ce château, il y a une voix qui lui dit « Tu vas voir une grande partie de ce que tu désires voir. » Mais il essaie d'abord de se battre contre ces lions, mais en fait, son épée va lui être ôtée de son bras de force. Et on lui explique qu'en fait, il ne peut pas se présenter... avec une arme. Il y a l'idée que Corbenic, le service du Graal ne supporte pas en fait la présence des armes. Il faut être entièrement. Il va pouvoir avoir son arme, mais seulement au fourreau. En oui, fait. Oui. C'est bien sûr, il peut pas avoir une arme sortie. Et en fait, il fait une signe de croix et de nouveau, il peut passer les lions. Il va pouvoir assister au service du Graal, mais il est vraiment à l'orée de la porte du Graal. Il a pas le droit de passer le seuil, littéralement. Il a pas le droit de passer le seuil. Il y a une voix qui lui dit n'entre pas. Il veut entrer, mais une voix lui dit tu ne peux pas passer le seuil. Tu ne peux pas enfreindre ça, sinon tu t'en repentiras. Et il voit vraiment tout le service du Graal. Il est dans un système tout à fait différent de celui qui est décrit par Chrétien, en fait. C'est beaucoup plus cérémoniel, c'est beaucoup plus riche. Il y a des anges, il y a des encensoirs d'argent, des cierges partout. C'est pas simplement un cortège, je, en fait. Je peux peut-être citer, justement, dans l'édition du manuscrit de Beaune, il voit sur une table d'argent le Saint Graal recouvert d'une étoffe de soie rouge. Il voit aussi des anges qui font cercle autour du vase sacré. Les uns tenaient des encensoirs d'argent et des cierges qui brûlaient, les autres des croix et l'ornement d'autel. Chacun faisait son office. Et devant le vase sacré était installé un homme revêtu à la façon d'un prêtre. Il semblait célébrer la messe. Et lorsqu'il en vint à l'élévation de l'hostie, Lancelot eut l'impression que devant les mains du religieux, il y avait 3 hommes, et que 2 d'entre eux mettaient le 3e, apparemment le plus jeune. Donc là, c'est clairement la Trinité, le Père, le Saint-Esprit, et le plus jeune, le Fils. Donc c'est le corps du Christ, hein, voilà. C'est clair. Faisant mine, et il l'élevait, faisant mine de le montrer au peuple. Lancelot, plein d'attention, n'en est pas peu surpris. Il lui semble en effet que le prêtre est si chargé de la forme qu'il tient que sa chute, pense-t-il, est imminente. Donc là, on a un élément assez intéressant, c'est que Lancelot prend cette apparition un peu littéralement. Genre, ah, mais il a tout ce bonhomme dans les mains, mais il va tomber. Et du coup, à cause de ça, il dit, mais tous ceux qui sont autour ne veulent pas le secourir. Et c'est pour ça, en fait, qu'il va se précipiter pour passer le seuil. Ce qui va causer justement. Parce qu'il voit justement cette apparition qui est clairement une représentation de l'Eucharistie, un peu comme ce qu'on a vu au début du Père Lesbos, mais il dit oh, mais non, il y a un bonhomme dans. Il va tomber. Et du coup, il passe le seuil, et là, il est frappé par le Graal, en fait. Il est. Il comme un souffle de vent chaud, comme du feu qui le frappe au visage, et il s'effondre. Et il va rester, en fait, dans un état catatonique pendant 24 jours, qui correspondent, en fait, aux 24 années qu'il a passées dans le péché avec Guenièvre. Donc on peut postuler qu'il a 42 ans, en fait. À ce moment-là. Plus ou moins, il a une. Même si ça correspond pas exactement. Ouais, bref, à peu près ça, il est dans la quarantaine, cinquantaine quand même. C'est ça, il faut voir aussi. La quête du Saint Graal, c'est aussi, à part Perceval et Galad, qui sont quand même assez jeunes, tous ces chevaliers sont quand même des hommes d'âge mûr. Hein. Ouais, ils sont tous vétérans en tout cas. Ce qui est marrant quand on pense à leur chamaillerie entre Bort et Lionel par exemple, on se dit, mais quelle bande d'enfants. Et là, en fait, il va être guéri, il va rester au château du Graal pendant plusieurs jours pour se remettre, il va survivre. Et en fait, il y a Hector Desmarres qui va essayer de rentrer dans le château du Graal, qui va pas pouvoir parce que Hector démarre, il est encore moins bon chevalier que Lancelot. Ouais, voilà. C'est... Limite, voilà. Mais il va apprendre que son frère a tenté de passer. Et donc là, Lancelot va vouloir retourner à la cour d'Arthur. Ce qui va lui être accordé, il va retourner chez lui. Après avoir été guéri de son infirmité, en fait. Mais c'est le plus proche qui pourra s'approcher du Graal, en voilà. fait. Et en retour, en fait, il va notamment voir la tombe de Baudemagu de Gore, qui a été tué par Gauvin. Mais je crois pas qu'on nous a montré cet épisode explicitement. Enfin, Baudemagu avait été victime justement de l'écu. Il a été victime de l'écu, mais soit il était dans les 10 chevaliers que Gauvin avait tué avant, mais je suis pas sûr. Mais sinon, non, effectivement, c'est un peu la seule. C'est la matérialisation qu'on a du fait que les chevaliers qui ont entrepris la quête du Graal vont pas la réussir, en fait. C'est un peu cette tombe qui symbolise un peu l'échec de tous les chevaliers, en fait. Ils sont tellement mauvais, en fait, qu'ils vont s'entretuer plutôt que d'atteindre le Graal. C'est assez tragique, c'est vraiment c'est très tragique pour Lancelot qui connaissait bien Baudemagu. C'est très pessimiste et très... Oui, il y avait ce lien particulier à Baudemagu aussi, mais c'est aussi très... un peu augustinien, en fait, cette idée voilà, d'élection où il y en a qui vont accomplir la quête, on sait pratiquement dès le début qui c'est, puis les autres, ben, ils peuvent essayer, mais si c'est pour le faire à moitié, ça sert à rien, quoi. Voilà, et après, finalement, après avoir été dispersé pendant 5 ans, c'est là que vont se retrouver, en fait, Galahad, qui va d'abord... retrouver Mordrain, en fait, il va trouver l'abbaye où résidait Mordrain, qui va le voir et qui va de nouveau, comme il avait serré dans ses bras le comte, le père des trois mauvais, pire que Sarrazin, bah, il va serrer dans ses bras ce Mordrain et Mordrain va mourir une fois qu'il a vu Galahad. Galahad a un petit côté chérubin, ange de la mort, qui vient faire des câlins aux gens qui meurent instantanément par la puissance de son affection. Il lui arrive aussi une aventure où il arrive à la forêt périlleuse, il trouve la fontaine qui boue. Oui, que Lancelot avait à moitié libéré, c'est-à-dire qu'il avait réussi à sortir la tête de son grand-père, Lancelot Ier du nom, mais pas réussi à arrêter le bouillonnement de la fontaine, donc il avait un peu bazardé la tête dans un coin, en espérant que personne ne le remarque. Il avait tué les lions qui gardaient la fontaine, mais c'est Galahad qui doit le libérer. Et aussi celui qu'on avait vu dans le Lancelot, Siméon. Oui, la tombe de Siméon. La tombe ardente qui brûlait, et que Lancelot n'avait pas pu éteindre, et que Siméon lui-même disait justement à Lancelot, écoute, tu ne parviendras pas à accomplir cette épreuve, tu es très bon, mais tu n'es pas le meilleur, il n'est pas encore venu celui qui atteindra cette quête. Donc il va réussir à ces deux miracles que son père n'avait pas pu réussir, c'est bien le signe final en fait qui va pouvoir se trouver face au Graal. Et là, il va retrouver Bort et Perceval. Il a trouvé Perceval avant et pendant 5 ans ils ont chevauché ensemble avant d'arriver à la demeure du roi Meunier. C'est pas vraiment comme s'il devait trouver. C'est pas comme dans Perceval par exemple ou dans les continuations. On doit retrouver ce château. Là c'est vraiment. Là, t'as l'impression que le temps importe assez peu en fait. Non, c'est vraiment une préparation et qu'enfin ils vont y arriver parce qu'ils y arrivent. Après avoir chevauché 5 ans avec Perceval, ils retrouvent Bort qui était lui tout seul, qui avait fait vœu de ne pas coucher plus de 10 fois dans une maison habitée. Durant la dernière année notamment, ils n'avaient pas trouvé le Graal non plus, mais une fois tous ensemble, ils vont chevaucher encore longtemps, donc ça vraiment c'est un temps très très long, hein. Il y a bien presque une dizaine d'années qui a dû se dérouler depuis le début de la quête du Graal en tout cas, et ils vont être accueillis simplement comme ça au château du Graal par Pélès. Ils vont pas nous dire ils ont trouvé par miracle, non, ils arrivent juste au château du Graal et Pélès avec son fils Élisar les accueille et ils vont leur amener. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, il va d'abord pleurer en retrouvant son petit-fils, le roi Pélès, et il va lui faire amener l'épée brisée, par laquelle là, c'est une autre épée. C'est pas les. Alors, c'est vous vous rappelez qu'on avait l'épée aux attaches étranges qui était dans le bateau, qui avait aussi été brisée, brisée par Nassien et réparée par Mordrain. Voilà, réparée par Mordrain, qui elle est parfaite, c'est l'épée que Galahad a. Et là, cette épée qui était en fait l'épée qui avait blessé cette fois-ci Joseph d'Arimathie à la cuisse. Et en fait Bort essaie de les rejoindre, il n'arriva pas. Gauvin avait déjà échoué à faire ça d'ailleurs, hein, dans le Lancelot, à sa visite au château du Graal. Perceval échoue également, et Galahad essaye, et pour Galahad évidemment les morceaux se ressoudent, ça marche et du premier coup. Et là en fait ils remettent l'épée non pas à Galahad ou à Perceval mais à Bort, puisque il est noble et valent chevalier et qu'il n'a pas vraiment d'épée magique encore, ouais, il avait pas encore, c'était le seul qui n'avait pas d'épée magique puisque Gauvin a échoué et puis que Perceval a récupéré l'épée du rocher qui avait été libéré par Galahad, qui a lui-même pris l'épée aux étranges attaches. Et c'est là que les vêpres arrivent, il y a un vent qui arrive dans la salle, tout le monde s'évanouit et là ils entendent une voix qui dit que littéralement, s'ils qui ne doivent swear à la table Jésus-Christ, donc Ceux qui ne doivent pas s'asseoir à la table de Jésus-Christ doivent s'en aller, car le moment approche où les hommes vertueux et les vrais chevaliers vont recevoir la viande del ciel. Le texte dit c'est la nourriture, en fait, viande ici. La viande du mais ciel. La viande du ciel, j'aime beaucoup. Parce que d'un côté, c'est littéralement censé être très de la viande. C'est ouais, ouais. Le corps du Christ. Tous quittent la salle, sauf évidemment le roi Pélès, qui a le droit de rester pour sa longue et sainte vie. Eliezer, son fils, une demoiselle nièce du roi, la plus sainte et la plus pieuse personne connue dans ce monde, on ne dit pas son nom non plus, et restent les trois compagnons, donc Bort, Perceval et Galad. Ils sont rejoints par 9 chevaliers, c'est un peu, alors ça c'est un peu surprenant, c'est clairement pour faire qu'ils soient 12 en fait, comme les ouais. apôtres. Ces 9 chevaliers, il y en a 3 qui sont gaulois, 3 qui sont d'Irlande et 3 d'Écosse. C'était pas du Danemark ? Alors moi j'ai l'Irlande, donc l'Islande, la Gaule et la Marche d'Écosse. Ah, je pense que ça dépend justement, ça doit être la marche, et puis du coup, peut-être qu'il y en a qui vont interpréter ça alors, comme qu'on Danemark, voilà, la marche. Bon, en tout cas, des chevaliers qu'on n'a jamais vus jusque-là, qui arrivent à la 11e heure. Qui sont même pas nommés, mais qui ont dû avoir de leur côté leurs aventures, un peu comme on imagine... c'est un spin-off Bort, possible. Perceval et Galad. Sûrement riche en bateau qui navigue tout seul. Et là, sur un lit de bois porté par 4 demoiselles, arrive encore dans la salle un homme qui semblait très malade et qui a une couronne d'or sur la tête... et qui explique à Galad qu'il l'attendait depuis longtemps. Et maintenant, on nous dit que ceux qui n'ont pas pris part à la quête du Saint-Vase sortent d'ici, ils ne doivent pas y rester. Et là, Pélès, Eliezer et la demoiselle sortent, parce qu'eux n'ont pas pris part à la quête du Graal. Reste ouais. le roi blessé et les 12 chevaliers. Et là arrive, porté par 4 anges sur un trône, Joséphée, le premier évêque des chrétiens, mm-hmm. qui descend du ciel littéralement, fils de Joseph d'Arimathie, habillé comme un évêque. Et qui a été sacré en fait comme le premier évêque dans la cité de Sarras, qui va donc être la cité du roi Mordrain, mm-hmm. Cette cité qui était la première conversion de Joseph d'Arimathie, si on veut. Et en fait, Joséphée est censé être mort depuis près de 300 ans, donc on explique qu'en fait, il est maintenant une créature spirituelle et c'est lui qui sert le vase en fait. Mm-hmm. C'est lui qui est qui peut littéralement faire performer le Graal. Faire le service du Graal. C'est quasi aussi ce mystère où les gens voyaient le Graal sans savoir qui était derrière. Ben là, on nous révèle qu'en fait, c'était Joséphée. Et on apporte alors qu'il sert le Graal, on entend de côté arriver des anges. Ceux qui avaient apporté Joséphée apportent 2 cierges, un linge de samite ou de soie rouge et une lance qui saigne abondamment. La sainte lance. Voilà, et en fait, il tient la lance de façon à ce que les gouttes de sang qui saignent tombent dans une petite boîte au lieu d'avoir mm-hmm. qui coule le long de la rampe. Et là, en fait, Joséphée recouvre la lance du linge et en fait, il fait une messe. On nous dit explicitement que le service du Graal est une messe, en fait. Mm-hmm. Il prend une hostie qui a l'apparence du pain, mais quand il l'élève, on a un être qui ressemble à un enfant et dont le visage est rouge comme du feu, descend du ciel et entre dans le pain. Et le pain prend la forme d'un homme charnel. On nous explique, très la transubstantiation, en fait, ouais. Plus ou moins... Et en fait, il le tient en élévation, le remet dans le Saint-Vase, fait ce que doit faire un prêtre dans l'office de la messe, donc on imagine qu'il y a une communion à partir de ce pain, mm-hmm. embrasse Galad et les explique, les invite à s'asseoir à la table du Seigneur où ils seront nourris, et il disparaît. Et là, un homme tout nu sort du Saint-Vase, dont mains, pieds et corps sont sanglants. Donc là... On ne nous dit pas explicitement qui c'est. Je me demande qui c'est. On ne nous demande pas explicitement qui c'est. Les interprétations sont divisées. Je pense qu'il y a une grande question. Je crois que son petit surnom, c'est la viande céleste. Voilà, exactement. Et là, en fait, il explique qu'il ne veut pas demeurer caché parce qu'ils ont tellement fait qu'ils méritent de voir ses mystères et ses secrets. Ils ont accompli tellement d'exploits. Ils ont été rassasiés. D'autres ont été rassasiés comme vous, mais jamais... d'aussi près et d'aussi intensément que vous l'avez été aujourd'hui. Mmh. Et il prend le Saint Graal, s'approche de Galad et là lui donne l'Eucharistie en fait. Et il explique que le Graal est en fait l'écuelle, explicitement là, est expliqué avec l'écuelle avec laquelle Jésus a mangé l'agneau le jour de la Pâque avec ses disciples. Et je crois, je ne sais plus si c'est le cas, parce qu'on sait que le Graal est censé avoir recueilli le sang du Christ, selon Robert de Boron. Mmh. Mais est-ce que c'est explicitement associé avec l'écuelle ? C'était aussi, je crois, chez Robert de Boron, explicitement. Est-ce que c'est déjà... C'était doublement lié à la scène et à son sacrifice. Là, c'est pas lié à son sacrifice, mais c'est lié juste à la scène, en fait. Mmh. Okay. Et l'écuelle même donne... sa vue donne... brûle et fait du mal aux mécréants. Et là, on lui explique... Jésus, en fait, le Christ, lui explique qu'il va devoir se rendre au palais de Saras, accompagner ce vase jusqu'au palais de Saras, parce que nul ne le reverra jamais dans le royaume de l'Ogre. Le royaume de l'Ogre a failli. Ils ont été nourris de la grâce du Saint-Vase, mais ils en sont retombés dans les bassesses du monde. Donc même la grâce du Graal ne peut pas sauver tout le monde. Sauver tout le monde. Et il les dépouille, il le dit explicitement. Pour ce qu'ils ont si mauvaisement gardonné les dévastes jeux de la grande ténor que je leur avais faite. Ils ont été si peu reconnaissants que je les dépouille du grand honneur que je leur avais accordé. Et donc, il va devoir aller avec Perceval et Bort, après avoir guéri le roi Meynier avec le sang de la, qui coule de la lance, en fait. Et ça, c'est quand même un long, voilà. un long arc qui se conclut. On verse le sang de la lance sur ses jambes. Et je pense qu'il faut noter aussi que la lance descend du ciel. Il n'y a pas du tout de quête de la lance comme c'était annoncé chez Chrétien, en fait. Non, non, là, effectivement. La lance est amenée avec le service du Graal. Il n'y a plus du tout cette idée que le Graal est quelque part qu'il faut trouver. C'est juste qu'il y a un moment qui est propice. Et là, il y a tout qui descend du ciel d'un seul coup, une fois qu'ils en sont dignes, en fait. C'est ça, c'est pas du tout. On n'est pas dans une dimension qu'il faut chercher un artefact comme on l'a chez Chrétien. Ouais, tout le monde est passé quatre fois à Corbenic hein, d'ici la fin de l'histoire. Et on sait que c'est là qu'il est. L'idée n'est clairement pas de chercher le Graal, mais bien d'accomplir la quête. D'être assez pur pour l'avoir et aussi de comprendre, parce qu'ils ont été préparés à ce sens de la transsubstantiation de l'Eucharistie. On est vraiment face à une des premières manifestations de la quête était en fait l'amitié, la spiritualité, le trésor était en fait l'Eucharistie que vous aviez en vous tout du long. Voilà, exactement. Et là, on explique que tous les compagnons du Graal, donc les neuf autres chevaliers, ne vont pas venir avec eux. Parce que de la même façon que les disciples ont été dispersés pour aller prêcher la vraie loi, ils vont devoir tous être dispersés pour annoncer la vraie ce qui est arrivé au Graal en fait, et que tous vont mourir dans cette quête sauf l'un, et en fait ce sera Bort qui ne va pas mourir. Il donne sa bénédiction et il disparut. Alors c'est assez ambigu, une phrase dit il disparut sans qu'il ne puisse savoir ce qu'il était devenu, sinon qu'il le vit remonter vers le ciel. Donc, ils savent un peu ce qu'il est devenu. Ils savent quand même un peu ce qu'il est devenu, mais enfin bref. Galad va utiliser, en disant le sang, soigner le roi Meynier, qui va rendre grâce à Dieu et se retirer dans un monastère de cisterciens. Les cisterciens sont vraiment les... Placement produit. C'est exactement ça. C'est mais c'est tout à fait ça, c'est du placement produit. Je connaissais déjà le placement produit dans les pièces des mystères, notamment dans le cycle des mystères du Orc, vu que les corporations professionnelles avaient chacune le rôle d'organiser une des pièces. Ben, c'était souvent, ben voilà, la crucifixion était organisée par les fabricants de clous, ouais. Bêtement. Adam et Ève, ou Cain et Abel, c'était les gantiers, et les gantiers fabriquaient pour se faire des costumes de nudité, en fait, qui étaient tout en cuir. C'était censé être du placement produit. Ben là, c'est exactement ça, mais sauf que c'est du placement produit pour les cisterciens. T'as l'impression que... vous savez comment le roi Meynier a pu retrouver l'endroit parfait pour aller pour finir sa vie après 500 ans de souffrance sur... Et ben comme lui vous pouvez aller rejoindre les cisterciens. On ne rejoint pas les autres on passe aux cisterciens, on ne va pas chez les cluniciens, on n'utilise plus les cluniciens, les autres ordres de chevalerie, on n'utilise que l'application c'est très le placement produit dans un podcast, tu sais. Allez chez les cisterciens et dites-leur le mot Graal pour avoir une réduction de 50% sur votre... Recevez des robes blanches tous les mois en vous inscrivant à... sur le service. Non, mais c'est tout à fait du placement produit, pardon, pour voilà. Si vous avez un podcast supporté par la publicité, on vous aime quand même. Mais voilà, c'est tout à fait l'équivalent, j'ai l'impression. C'est moins de blanc partout. On arrive gentiment au terme de l'histoire parce qu'il reste juste la dernière translation du Graal. Il s'est retiré et là, du coup, ils vont tous devoir quitter le château du Graal pour se rendre. Et là, on va apprendre un petit peu sur certains des chevaliers, notamment un des trois chevaliers qui vient de Gaulle. En fait, on le connaît, disons, il vient d'une lignée familiale, puisque c'est Claudin, le fils du roi Claudas. Vous vous souvenez de Claudas? C'était le roi qui avait pris la place du père de Lancelot. Ouais, ouais. Y a vraiment, ils s'embrassent tous comme des frères. Et voilà, ils admettent finalement que là, ils vont devoir se séparer sans vraiment se connaître, mais ils vont devoir, ils vont se retrouver finalement au paradis. C'est l'idée centrale. En tout cas, Galad dit à ses chevaliers de Gaulle que s'ils se rendent à la cour d'Arthur, ils doivent aller saluer bien sûr le roi Arthur, Monseigneur Lancelot du Lac et tous ceux de la table ronde. Ils se séparent. Galad et Perceval et Bort retrouvent la nef de l'épée aux étranges attaches ou à l'étrange boutrier et entrent dedans. Et sur le lit, en fait, ils voient la table d'argent du Saint Graal qui est recouvert de l'étoffe de soie vermeille, de nouveau comme d'un voile. Et enfin, ils sont très heureux finalement, voilà, très heureux que le Saint Vaz les ait accompagnés. Ils étaient censés accompagner le Graal, puis ils n'ont même pas pensé à prendre le Saint Graal. Ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'ils y vont, puis d'un coup, le Graal est déjà là, quoi. C'est clair, mais c'est un autre indice, hein, pour indiquer vraiment... je me moque un peu là, mais c'est de nouveau un indice que c'est vraiment une quête plus spirituelle que matérielle. On ne peut pas retrouver le Graal physiquement. L'intérêt n'est pas qui est servi du Graal ici. La question du Graal n'a pas à être résolue. Le mystère du Graal, c'est finalement juste l'Eucharistie. Ouais, ouais. C'est quelque chose d'assez connu, finalement. Ouais. Donc, après avoir trouvé le Graal dans leur nef, ils se sont félicités qu'ils soient arrivés avec eux, ils arrivent finalement à la cité de Sarras, après un long voyage, et au moment où ils s'apprêtent à sortir, c'est très cool, il y a une description de comment ils sortent la table, en fait, et comment ils la prennent, ils la sortent, du Graal. Et au moment où ils sont en train de sortir la table, ils voient arriver la nef vide, enfin vide, presque vide, où se trouve le corps de la sœur de Perceval que Lancelot avait laissé. Et ils disent, ah bah c'est bien pratique finalement, elle arrive à point nommé, vu qu'elle est censée être enterrée là. Ils vont arriver et donc établir, aller jusqu'au château avec le Graal et avec la sœur de Perceval. Et en fait, le roi, lors qu'il les voit arriver, il s'appelle Escorante, hein, qui est un païen, en ligne directe de la race maudite des païens même, nous dit le texte. Ils répondent à toutes les questions qu'il a leur posées, il explique ce que c'est le Graal, pourquoi ils sont venus, et lui ne croit pas à toutes ces bêtises, en gros. Il leur dit, non, vous êtes des imposteurs, on les désarme, on les garde en prison sans les laisser sortir, mais dès qu'ils sont emprisonnés, heureusement, le Graal vient les servir la nuit en prison. C'est la même idée que Joseph d'Arimathie quand il était emprisonné par Ponce Pilate, hein, dans la version de Robert de Boron. Et après une année, en fait, Galad, en fait, se plaint. Non pas parce qu'il aimerait sortir de prison, mais parce qu'il aimerait mourir. Il pense qu'il est resté assez longtemps dans le monde. Donc il dit au Seigneur, non, mais je suis censé mourir maintenant, allons-y. Et en fait, par fortune, ce jour-là, Escorant est malade et gît sur son lit de mort, et en fait demande le pardon des trois compagnons, qu'il lui accorde bien volontiers, il meurt. Donc le pouvoir mortel des Calendes Galades, voilà. Ce chérubin porteur de la mort. De nouveau. Et vu qu'il n'a pas d'héritier, les gens de la cité se consultent, pour décider qui sera le successeur. Et une voix leur dit, vous devriez faire votre roi, le plus jeune des trois compagnons qui étaient emprisonnés là, il vous gouvernera très bien. Et en fait, Galad, qui veut toujours mourir, hein, très très contrarié, parce qu'il est fait roi un peu contre sa volonté, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve cette idée qu'il veut mourir, mais il ne peut pas se suicider, ou il ne peut pas mourir. Et du coup, il ne peut pas vouloir être tué, donc il doit accepter d'être fait roi, parce que sinon, il le tue, probablement. Et il va devoir accepter de régner un petit peu. Il règne quand même une année. Il règne comme une année, où, après avoir établi justement une arche d'or et de pierre pour recouvrir le Saint-Vaz dans son château. Au bout d'un an, donc le jour anniversaire de son couronnement, il se lève de bonne heure, il se rend à ce palais spirituel où ils ont établi le Saint-Vaz et voit un évêque qui est en train de battre sa coulpe devant la table, entouré d'anges. Et il commence une messe de la Sainte Vierge et justement il ouvre la patène au-dessus du Saint Graal pour préparer l'Eucharistie et demande à Galad de s'approcher pour voir, en fait. Et là, c'est là qu'intervient vraiment le moment clé du récit, l'apogée du récit. Ça n'a pas été la vision du Graal encore à Corbenic, parce que ça, c'était encore plus collectif. Là, c'est vraiment la vision de ce qu'il y a à l'intérieur. Et Galad tremble quand il voit ce qui s'y passe, parce qu'en fait, son corps mortel contemple les mystères célestes. Il peut pas simplement le voir sans ressentir quoi que ce soit. Il est son corps n'a pas la capacité physique à soutenir ça, en fait. Littéralement, sa chair mortelle contemple les choses espirituelles, les choses spirituelles. Et en fait, c'est tellement intense qu'il est en train de prier au Seigneur et littéralement, il supplie le Seigneur de le laisser passer à cet instant si heureux de la vie terrestre à la vie céleste. Et il est à ce moment-là, il reçoit la communion du saint homme habillé comme un évêque, qui est en fait de nouveau Joséphée. Hein, il explique qui il est, le fils de Joseph d'Arimathie, et qui sera le compagnon de Galad. En fait. Galad ne le reconnaît pas non plus, il ne reconnaît jamais. Je sais pas s'ils ont un problème de reconnaissance des visages, genre ah, comment est-ce que je peux reconnaître cet homme? Il a une armure, comment est-ce que je peux le reconnaître? Il n'a pas d'armure. Et en fait, Joséphée lui explique qu'ils sont tous les deux destinés à se rejoindre au paradis, parce que comme les deux ce sont les deux qui ont vu les mystères à l'intérieur du Saint Graal et sont restés vierges, donc ils doivent être réunis. Il est normal que deux hommes vierges se tiennent compagnie. Juste oui. Une chose normale que des hommes vierges font au paradis. Donc Joséphée va embrasser Perceval et Bort et demande à Bort de saluer Lancelot quand il le verra, et puis il s'agenouille et il tombe face contre terre, contre le sol d'allée, et son âme a déjà quitté son corps, en fait, avant même qu'il tombe par terre. Il est emporté par les anges, et là, une main descend du ciel, sans qu'il puisse voir à qui elle appartient, et emporte le Graal au paradis avec elle. Et depuis, nous dit le conte, personne ne peut avoir prétendu voir... Depuis lors, personne n'eut assez d'audace pour prétendre avoir vu le Saint Graal, puisqu'il a rejoint le paradis. Et ils sont affligés. Perceval décide, après l'enterrement de Galahad, de prendre l'habit de religion. Il se retire en ermitage. Mais voulant encore rejoindre la cour d'Arthur, Bort ne fait pas de même. Il laisse Bort après quelques jours et rejoint la cour d'Arthur. Perceval vit encore 1 an et 3 jours en ermite et est enterré par Bort avec sa sœur et Galahad dans le palais spirituel du Graal. Finalement, Bort est seul dans des terres aussi lointaines que les régions de Babylone. Hein, on est à peu près en Terre Sainte. Oui, Sarras, c'est censé être la cité des Sarrasins, donc la géographie n'est pas toujours claire, mais on est au Proche-Orient. Voilà, et c'est clair que l'idée est clairement que cette cité de Sarrasins a été conquise, en fait, par le Graal. Rapidement, il se dirige vers la mer, voit de nouveau une nef, rentre dedans et atteint en peu de temps le royaume de l'ogre, chevauche à Camelot et raconte toute l'histoire qui est mise par des clercs, en fait, mise par écrit par des clercs sur ordre d'Arthur. Il y raconte toutes les aventures telles qu'il les a vues. Elles sont mises par écrit, conservées dans la bibliothèque de Salisbury, où maître Gauthier Mapp a pu les lire, en fait, et pu écrire son livre du Saint Graal pour l'amour du roi Henri, son seigneur, qui lui a fait traduire l'histoire du latin en français. Et c'est là que le conte s'achève, nous disant qu'il ne nous dira pas davantage sur les aventures du Saint Graal. Donc c'est écrit pour le roi Henri d'Angleterre par ce Gauthier Mapp, qui est sans doute soit fictif, soit s'il est un architecte, disons, un architecte très distant. Mais en tout cas, on a cette référentiel à... voilà, ce besoin de crédibilité finalement aussi. Hein. On attribue le fait que Bort puisse survivre toutes les aventures du Graal permet finalement à l'histoire d'arriver jusqu'à son terme et jusqu'à nous en fait. Peut-être que le vrai Graal c'était l'histoire du Graal finalement. Il y a une connexion possible avec la mort le roi Arthur. Enfin, la mort le roi Arthur est clairement postérieure à la quête du Saint Graal parce qu'elle mentionne précisément que c'est une continuation, c'est-à-dire qu'ils disent précisément, la mort de Arthur commence en disant « Ah, oh, comme Monseigneur Henri voulait continuer les histoires et voir... » En fait, basiquement, Monseigneur Henri voulait que je traque mes personnages jusqu'à ce qu'ils soient morts. Je vais écrire la mort de Arthur. Et il y a un parallèle dans la fin, qui en fait se comprend comme une reprise, comme elle a été écrite après, c'est-à-dire de cette main qui descend sur Terre, reprendre le Graal, ressemble un peu à la main qui va récupérer Excalibur à la fin de la mort de Arthur, qui est en fait, qu'on peut comprendre parce que littéralement a été écrite juste après. Je veux dire, la quête del Saint Graal est assez courte, assez intéressante, et quand même des passages sympas, même si pas forcément très surprenant ou trépidant ou même enrichissant. Je me rappelle que c'est un des livres que j'avais lu en premier. C'est-à-dire que j'avais dû lire Perceval, je crois peut-être le Père Lesvos, et puis la Quête del Saint Graal, c'est un des après Chrétien de Troyes, le Père Lesvos, ça doit être le troisième que j'avais lu, et j'avais été pas mal déçu justement, parce que en fait je connaissais pas du tout l'histoire et je savais pas à quoi m'attendre, et du coup quand le secret final du Graal, c'était Galad regarde dedans et il dit merci Seigneur de m'avoir fait accéder à ce savoir, et qu'il meurt parce qu'il peut pas survivre avec ce savoir, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais quand même dans une situation où je me disais c'est quand même une échappatoire qui est pas très satisfaisante, de dire oh au fait le secret du Graal, personne peut le connaître à part cet unique type, et on veut même pas te dire ce que c'est, et il va mourir instantanément, et tu te dis un peu tout ça pour ça, c'est-à-dire que tout ça pour, disons, ça, du point de vue du narratif d'un lecteur moderne, tu te dis ces lignées fabuleuses du roi Salomon, toutes ces significations, tous ces empilements de catéchisme, ce croisement des lignées par des enchantements, du fait que Lancelot a été forcé à engendrer cet enfant parfait juste pour qu'il accède à ce savoir-là qui le tue immédiatement. C'est vrai que tu te dis c'est pas si satisfaisant que ça, même s'il y a beaucoup de richesses dans le livre lui-même. Moi, je dois dire qu'il y a un peu cette espèce d'idée que les adolescents qui lisent Nietzsche, moi j'étais un adolescent qui lit Nietzsche comme tout le monde, on peut en guérir, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais à l'époque, il y a un peu cette idée nietzschéenne du le christianisme, les arrière-mondes, etc. Et je pense que La Quête del Saint Graal, c'est une des œuvres qui les plus clairement est un rejet total du monde à tous les niveaux, en fait. Cette espèce d'ascétisme extrême que Nietzsche prête à l'entièreté du christianisme, que je pense pas complètement clair, mais il y a cette espèce d'idée un peu de rejet complet du monde dans le christianisme, qui n'est pas propre seulement au christianisme, mais qui là est extrêmement présente en fait, et qui est presque à un degré caricatural. Genre, il faut être un pacifiste ultime, se laisser piétiner par un cheval et presque tuer en attendant que Dieu te sauve. Les chevaliers, leurs moments les plus héroïques, c'est quand ils sont abandonnés, qu'ils font rien et qu'ils prient Dieu de venir les sauver, ce qu'il fait. Ils sautent dans des bateaux qui bougent tout seuls sans savoir ce qu'ils font. Donc c'est clair que si vous attendez à des récits héroïques de chevaliers, vous en avez un peu parce que Galad est juste accidentellement tellement bon qu'il bat tout le monde en tout. Mais vous avez quand même une critique énorme de l'héroïsme, une critique énorme de l'amour courtois, une critique énorme de ce que vous pouviez trouver avant et dans les autres textes qu'on a vus, en fait. Et donc, cette idée, finalement, que la chevalerie est toujours... qui est toujours présente et qu'on va retrouver encore bien au-delà de la littérature arthurienne, que la vraie chevalerie est toujours une critique de la chevalerie, en fait. Il y a cette... c'est un peu ce No True Scotsman, finalement. Oui. Il ne peut pas y avoir de chevalier terrestre correct. Il y a... C'est assez intéressant, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Je pense qu'on a pas mal parlé du facteur sociologique, des racines, justement, la réforme grégorienne, l'importance du chevalier en tant que soldat du Christ. Puis finalement, je pense que c'est en partie aussi vraiment ce constat finalement que la chevalerie, le projet chevaleresque, n'a pas donné grand-chose en fait. Pour les gens qui vont être, dont les croyances sont dans dont le système spirituel est représenté dans la Quête del Saint Graal, tout ça n'a pas donné grand-chose d'utile, en fait. Mm-hmm. Je pense que la dénonciation complète de cette chevalerie terrestre est assez preuve de ça, en fait. C'est vraiment... Il n'y a rien à sauver. L'idée est claire. Non, mais c'est clair. Il n'y a rien. Même les chevaliers d'Arthur, même les plus nobles qu'on pouvait auparavant... Même Arthur, il est... Arthur, dans le Lancelot Graal, en général, il a très peu de qualités rédemptrices, mais... Là, par exemple, il est pratiquement pas présent et il est là juste pour lamenter que justement il va perdre. Il va lamenter la chute de cette chevalerie terrestre qui va se perdre dans cette entreprise. Mais même, j'ai fait la comparaison sur Twitter l'autre jour que la quête del Saint Graal, c'est un peu ce que Star Wars épisode 5 aurait été si au lieu d'avoir été écrite par Kasdan, c'était Jack Schick qui avait été chargé de l'écrire. Et Jack Schick étant un évangéliste. Oui, c'est un évangéliste américain qui faisait des comic books un peu, disons, anti-catholique. Vous avez probablement vu des dérivations moqueuses de son œuvre plutôt que... Vous savez, le None of you are free of sin. Oui. Voilà, tout ça. Là, il y a cet aspect vraiment dissonant avec le reste des valeurs du... C'est peut-être... Est-ce que c'est vraiment... quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais écrire la suite de ce Lancelot pour en faire quelque chose de spirituellement correct, ce qui semble assez, disons, ce qui pourrait être une explication, l'idée du grand architecte qui conçoit le récit et qui ensuite le donne à faire à des exécutants qui vont chacun mettre du lore dedans pourrait sembler tentante, mais à mon avis, c'est trop dissonant pour être vraiment ça. Il y a vraiment cette question de, est-ce que cette quête del Saint Graal est si différente parce que pour pouvoir toucher au Graal et pour pouvoir parler de spiritualité, il fallait nécessairement que ce soit quelqu'un qui ait ces croyances-là, qui puisse y parler. C'est très difficile. Est-ce que c'est vraiment un... C'est d'autant plus... Disons, si on trouvait la Quête del Saint Graal comme le Père Lesvos, un peu isolé, une suite un peu sans issue du reste de la matière de Bretagne, ça serait peut-être plus facile de l'interpréter comme quelque chose d'assez réactionnaire et justement pas mainstream justement, et pas quelque chose de pas une suite logique, mais vraiment une réaction à ça. Et c'est difficile parce que justement, elle est intégrée dans un cycle qui la rejette presque en fait. Rejette elle-même. Elle a été intégrée dans ce cycle. Traxler, on l'a dit la dernière fois, parlait d'une parenthèse parce que justement, elle commence, elle se finit et ça a très peu de conséquences sur le reste de l'histoire, à part justement que ça évacue des personnages. Et je pense qu'une autre manière de le voir, c'est qu'elle a pu être intégrée dans le Lancelot parce qu'elle a complètement absorbé, catalysé et évacué tout ce symbolisme chrétien en fait. On peut le voir comme ça, comme une espèce de parenthèse purgatoire littéralement, où cette espèce de symbolique chrétienne ou de morale chrétienne qui pouvait apparaître de temps en temps va être entièrement concentrée, digérée et recrachée et expulsée finalement. Elle fait, c'est cette parenthèse spirituelle qui est faite. Ensuite, on peut passer à la suite qui est la mort du roi Arthur, où la morale est fondamentalement mondaine en fait. La morale du roi Arthur est fondamentalement mondaine et donc c'est un peu peut-être cette concentration de cette dimension qui était importante, mais qui, parce qu'elle est justement distillée à ce degré-là, peut paraître un peu étrange et peut aussi être intégré dans le cycle pour le contrebalancer. Disons, ce qui facilite aussi l'intégration au cycle, c'est peut-être explicitement même si le mode de pensée du Lancelot et de la mort du roi Arthur sont du coup contraires à ce qui est explicite dans la caisse d'El Saint Graal, mais c'est aussi justement ce qu'on disait, l'absence de vision, l'absence d'implication de la chute d'Arthur dedans permet finalement d'avoir quand même une mort d'Arthur où Arthur est quand même un personnage, sans être extrêmement positif, est quand même le personnage lésé disons, voilà. Ça, il va pas forcément être le héros de la mort de Arthur, mais il est le centre moral, c'est lui il est pas forcément le héros, mais en tout cas il en est la victime, voilà. Je pense que le fait et c'est peut-être là que se trouve l'explication de la nature parenthétique de la caste, c'est parce que si elle n'est pas parenthétique, ça voudrait dire que la chute d'Arthur doit être liée à cet échec de la chevalerie terrestre. Mais du coup, ça complexifie et ça ne permet pas de réconcilier l'œuvre en elle-même. Son côté parenthétique, même si idéologiquement elle va à l'encontre, c'est peut-être finalement une illustration de la façon dont ces chevaliers, parce que la chevalerie a continué après la caisse d'El Saint Graal, les gens sont, pourtant c'était un succès énorme, mais les gens ne sont pas mis à se dire « Ah tiens, on va arrêter d'être chevalier ». C'est bien après que la chevalerie commence à perdre son statut et à vraiment péricliter en tant que statut. Il va encore avoir la chevalerie a des belles heures devant elle après ça. Donc c'est peut-être aussi, ça illustre peut-être aussi bien finalement, c'est une manière de canaliser les sentiments anti-chevaleresques, anti-chevalerie terrestre. Si on pourrait imaginer ça comme une espèce de... En anglais, on a cette phrase « to pay lip service », disons, accorder quelque chose aux gens qui attaquent justement la chevalerie terrestre pour légitimer le reste de l'œuvre. Est-ce que c'est vraiment la volonté là, c'est de s'assurer, de se mettre du bon côté finalement en disant « voilà, le Graal, oui, d'accord ». Ils sont pas très bien, la preuve de Saint Graal. Mais comme tu dis, c'est aussi une manière efficace d'évacuer finalement toute cette complexité autour du Graal, tous ces... Parce que je pense que ça parasiterait. Si dans la mort, le roi Arthur, on avait d'un seul coup des allégories, ce qui serait possible, hein, y a d'autres œuvres qui vont avoir cette espèce de mélange des genres, mais si on avait des espèces d'allégories qui se jetaient dans la mort, le roi Arthur, ça changerait un petit peu le message, qui est quand même assez focalisé. Pareil pour le Lancelot, où vous avez des espèces de présages ou d'analogies ou comme ça, mais elles sont plus ou moins neutralisées dans le fil de l'histoire. Et donc, le fait d'avoir cette espèce de temps aventureux, finalement, où ce qui se passe peut être interprété comme un récit biblique, ça permet d'avoir cette espèce de terrain de jeu où on peut avoir ce discours-là, qui aurait pu parasiter, à mon avis, ou complexifier un peu la trame des autres parties du cycle. Après, je pense pas qu'il faut non plus rester là-dedans avec notre esprit. Ah, mais ça va, là, c'est incompatible. Non, pour nous, ça le paraît peut-être. C'est peut-être moins le cas pour des gens qui sont finalement constamment confrontés à cette idée que leur chevalerie est mauvaise, n'est pas la chevalerie spirituelle, ne devrait pas... Je veux dire, pour nous, c'est pas évident, tu ne tueras point, puis après, on peut pas aller passer notre temps à tuer. Dans un monde plus brutal, où le chevalier va devoir tuer, et même dans des conditions parfois pas très... pas super honorable et pas super biblique, cette confrontation et cette incompatibilité apparente n'est peut-être pas simplement... pas si incompatible que ça, je sais pas. Il y a aussi la possibilité finalement que c'est une manière facile d'évacuer tout ces niveaux de mythologie complexe autour du Graal qui avait été plus ou moins intégré et qui avait été complexifié avec avec Robert de Boron, avec les continuations, et de les transformer d'une certaine façon et de les sublimer, puis ensuite de revenir vraiment à l'aspect beaucoup plus pratique. Je sais pas. On peut imaginer plein de raisons et je pense qu'il y a beaucoup de littérature encore à être écrite autour de la caisse d'El Saint Graal. C'est un texte complexe dans une œuvre plus globale, complexe également. Je pense qu'on n'arrivera pas à vous dire pourquoi la caisse d'El Saint Graal est si différente du reste, mais on peut constater donc, qu'elle l'est. Ce que tu dis, Antoine, c'est qu'en fait, les cisterciens étaient des sales gauchistes social justice warriors qui ont essayé de détruire de l'intérieur la chevalerie avec leurs idéaux extramondains. Et donc là, après, heureusement, il y a l'auteur de La mort, le roi Arthur, qui va reprendre avec des vraies valeurs. Bah, disons, on peut rigoler, mais si vous avez vu, si vous regardez, si vous n'avez pas vécu sur Mars pendant les 30 dernières années, je ne sais pas si vous avez regardé Star Wars, Les Derniers Jedi, qui a été un peu controversé parce que son approche était très différente de la précédente. Parce qu'il met en question précédent. Justement la. Voilà, il remet en question la même la mythologie de Star Wars, le passé, la légitimité de l'ordre héroïque des Jedi, disons. Ce qui est littéralement un point central de la série depuis. Puis je pense l'épisode 5 au moins où on apprend oui, que, voilà, on le sait. Passé idyllique. Ah, peut-être que les voilà. Gens qui nous racontent ce passé sont pas si. Voilà, mais simplement la structure telle qu'elle le sera de cette nouvelle trilogie Star Wars. On a l'épisode 7 réalisé par J.J. Abrams qui était très positif, qui était très inspiré par l'ancien. Voilà, on a cet épisode 8 qui va un peu à contresens de ça, qui va essayer de questionner ça et qui va avoir une vision assez pessimiste de ça. Et on revient maintenant, on va avoir un Star Wars 9 qui va être de nouveau réalisé par J.J. Abrams. Finalement, cette structure où on a besoin d'une vision différente c'est ça. Pour apporter cette complexité. Alors, à voir, je pense que dans Star Wars, ça sera peut-être un peu mieux adressé, un peu mieux lié entre les trois que Donc, ce que tu dis, c'est que Luke Skywalker, c'est Perceval, en fait. Écoute. Rey, c'est Bohort. Yoda, c'est quand Jésus crucifié sort du vase. Voilà, exactement. Non. Yoda, c'est l'air. Non, c'est sûr. Mais on verra la prochaine fois, du coup, comment je est-ce que quelqu'un va pouvoir continuer ça. C'est-à-dire, après cette condamnation sans appel de la chevalerie, comment est-ce que des gens voulaient apparemment lire autre chose, parce qu'apparemment, ils n'étaient pas satisfaits de cette fin. Ils voulaient lire autre chose, ils voulaient savoir ce qu'il adviendrait des autres personnages qui n'étaient justement pas les élus, parce que après cette parenthèse, il faut quand même continuer à vivre sur Terre et à œuvrer en plus ou moins bon chrétien. Et c'est ce qu'on verra le mois prochain, dans notre troisième volet sur le Lancelot Graal, avec, je crois, la mort, le roi Arthur, la mort du roi Arthur. Toujours donc en prose, toujours très long. Toujours très long. Toujours à peu près dans les mêmes zones. Bon, là, on n'est pas dans le Lancelot. On n'est pas dans le Lancelot, des choses qui ont à peu près la taille d'un roman normal. Ça reste standard. Lisible, effectivement. Ça reste assez lisible. Donc, retrouvez-nous la prochaine fois là-dessus. Abonnez-vous. Comme d'habitude, hein. On peut vous faire le laïus classique du podcast, hein, allez écouter les autres podcasts de Radio Kawa, commentez-nous sur iTunes, notez-nous, ça augmente notre visibilité. Venez nous insulter sur Twitter à cause de nos opinions sur Star Wars. Voilà, ou sur la caisse d'El Saint Graal. D'ici là, on vous souhaite un très beau mois d'août et à la prochaine fois. Et rappelez-vous, la quête continue.